Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver avec nos participants pour cet épisode numéro 5 de notre saison numéro 2 de Démocratie participative. Nous sommes la deuxième semaine de février 2017. Et je vous rappelle tout de suite que vous pouvez nous écrire sur notre boîte email democratieparticipative@mail.ru. Il n'y a pas d'accent sur démocratie, et démocratie est en un seul mot. Démocratie participative, je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Vous pouvez nous suivre, vous devez nous suivre sur YouTube, vous vous abonnez à notre chaîne, vous cliquez sur abonnement juste en dessous de la vidéo, vous recevrez les alertes. Aimez notre page Facebook, Démocratie Participative aussi, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Vous recevrez les nouvelles vidéos et pourrez surtout les partager avec vos amis, je vous encourage à le faire, ça permet à la bonne parole de se diffuser. Vous pouvez aussi aller sur SoundCloud, qui est une plateforme audio exclusivement, où vous pouvez écouter nos émissions, et vous pouvez désormais aussi systématiquement les télécharger. Donc vous pouvez les uploader sur vos smartphones et les écouter plus tard dans les transports en commun ou bien en voiture, peu importe. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos membres de la semaine qui participent. Fred dans l'évier, la pêche. La pêche, comme d'habitude, toujours frais, toujours prêt. Voilà, j'espère que tout va bien se passer cette semaine et qu'on aura des nouvelles excitantes de l'intégration, de la diversité, du multiculturalisme, bref, comme d'habitude, quoi. Ah bah cette semaine, l'actualité est riche en intégration, je pense. Hein. Ah j'imagine, comme d'habitude. Comme d'hab. Salut Derek, ça va Derek ? Ah écoute, ça va, un petit peu le nez bouché, hein, parce que j'ai dû me rendre là, cette semaine sur cette horrible ville qu'est Marseille, et j'ai eu l'impression de me trouver quelque part entre l'Irak et le Sud-Soudan. Donc au niveau olfactif, je peux te laisser imaginer ce que ça peut donner. Ah oui, l'odeur de transpiration dans les transports en commun. Marseille est célèbre, je crois, maintenant pour les poubelles volantes bougnouliques, il me semble. C'est-à-dire que on balance les poubelles par la fenêtre. Enfin, c'est toute la culture, c'est toute la philosophie, enfin l'avance que le Moyen-Orient nous a apporté il y a très longtemps, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'ils nous ont quand même apporté tout, enfin les mathématiques, les pyramides volantes, enfin tout vient de là-bas, voilà. À la base. Hein. C'est d'ailleurs, ça. Et pour nos amis là qui descendent de Paris ou de Lyon, voilà, par la gare, hein, n'hésitez pas, hein, quand vous arrivez à la gare Saint-Charles, vous sortez sur la droite et vous descendez. C'est l'Irak. Tout vient de là et surtout les ordures en fait. Voilà. D'accord. Poporovitch, salut Poporovitch, la pêche, la banane. Pêche, shalom alaikum à tous. Ouais, la pêche, la banane, la frite, le kebab, tout ce que tu veux. Ouais. D'accord, formidable. Salut Fulbert. La pêche. Bonjour à tous. Ouais, la pêche, on peut aller. Très bien, très bien. Et Argyle. Salut tout le monde, et moi ça va même très bien, je suis très détendu, comme l'anus de Théo Luaka, dont on reparlera tout à l'heure, je pense, donc voilà, je suis parti pour une très bonne émission, je l'espère, avec, à mon avis, un ordre du jour très fourni. Il y a des auditeurs qui nous demandent comment avance la construction de la chambre à gaz de Fulbert, donc si tu veux bien nous éclairer. Ouais, update Fulbert, update, ça avance ou quoi dans ta cave ? Absolument, mais je cherche à recruter des SS parce que je manque de bras là. Il en faudrait plus. Bon, faut pas désespérer, Fulbert. S'il y a des volontaires, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Alors, petit débriefing des commentaires de la semaine. Comme vous le savez, avant de commencer l'émission, on revient sur les commentaires que vous faites sur ce qu'on a pu dire. Et je commence avec Epsilon. Alors, c'était relativement à l'attentat du Louvre. On oublie très vite, surtout quand on regarde les médias français, on oublie que la semaine précédente, il y a eu des attentats islamistes. C'est fabuleux, ça. C'est ce qu'il dit. Il dit, alors donc, le suspect ou le coupable qui a été interpellé, qui a été arrêté par l'équipe de militaires en faction devant le musée du Louvre. Voici ce qu'il nous dit Epsilon. Ils voulaient détruire des trucs au Louvre comme ils ont détruit Palmyre. C'est le même état d'esprit. L'idée, c'est de détruire physiquement la culture occidentale. Alors, il faut savoir effectivement qu'il avait des bombes de peinture dans son sac et qu'en fait, il y avait, la volonté de commettre un geste très symbolique avec un très fort retentissement international, en fait. Hein. Je présume qu'il devait vouloir saboter une œuvre particulièrement... connu, je ne sais pas laquelle, l'enquête peut-être le dira, mais effectivement c'est bien observé, hein, la volonté de détruire la culture occidentale et quelqu'un veut venir vous donner son truc là-dessus C'est la même chose qu'ils avaient fait il me semble à l'époque, je ne sais plus si c'était au Pakistan ou c'est en Afghanistan fait les statues, ouais, les Bouddhas là. Bouddha oui, de oui. Bamiyan, non? Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Oui, oui, il me semble, c'est la volonté comme... Je veux dire, c'est à part tout salopé voilà, hein. À Palmyre aussi, je crois qu'ils avaient fait quelques œuvres de destruction, il me semble. Bah, ils ont récupéré la ville, il faut le savoir. Ils ont récupéré en tout cas une partie des sites antiques, parce que les Russes les en avaient expulsés avec l'armée syrienne. Ils sont revenus dedans. Ils ont, là, pour le coup, ils ont ciblé, je ne sais plus quelle partie du site, mais ils ont réussi à les dynamiter. Hein. Ouais, ils détruisent, mais ils détruisent pas tout, parce que ils font de la communication hein, sur la destruction de Palmyre avec des belles vidéos, etc. Effectivement, ils font sauter des trucs, puis de l'autre côté, ils font du trafic d'œuvres antiques, on va dire. Hein. Oui, ouais, effectivement. Ils ont revendu énormément de choses qui avaient été pillées dans les musées, effectivement. Et quand tu détruis d'un côté, donc tu encourages la réfaction et tu fais donc monter les prix. Ce sont donc des experts en marketing. D'accord. Alors, j'enchaîne avec un autre commentaire de Paul Henskis. Ah, ça, c'est très intéressant. J'ai bien aimé ce commentaire. Je vous le livre. Je sors d'une grande école gratifiée du label maçonnique Pôle d'Excellence et je confirme que les profs comme les élèves sont des brasseurs de vent et des sculpteurs de fumée. Aucun savoir réel n'est dispensé. La connaissance et le savoir sont rayés des préoccupations de ces antichambres de la maçonnerie républicaine. Dans mon ancienne école, très prestigieuse, défilant sur les champs le 14 juillet, c'est un indice, la préoccupation majeure consiste à faire accepter les femmes, les minorités, les plus dégueulasses évidemment. On y enseigne 8 heures par jour du non-savoir sans queue ni tête. Les profs sont payés à prix d'or pour raconter des conneries invraisemblables. Quasiment 100% des élèves dorment en cours. Ce n'est pas une image, les gens dorment en cours. Vont sur Facebook comme dans n'importe quelle fac crasseuse. Des hauts gradés viennent même faire des cours pour vomir sur leurs collègues en OPEX, donc en opération extérieure, parce qu'il fallait mieux traiter tel ou tel putain de nègre. Bref, merci à Gandalf d'avoir parlé de ça. Je parlais du mandarinat démocratique avec... Bon, vous écouterez l'émission précédente. Quelqu'un veut-il revenir là-dessus, sur ces grandes écoles? Vous n'êtes pas obligé de réagir, hein, c'est pas nécessaire. Hein, mais... C'est sympa, ce genre de témoignage vécu, je trouvais imagé. J'aime bien, j'aime beaucoup ce commentaire. Je pense que c'est un fidèle auditeur qui doit partager pas mal de nos points de vue, vu son commentaire. Ouais, et puis c'est bien, parce que ça montre aussi que ceux qui nous écoutent, je veux dire... contrairement à tout ce que racontent les gars d'extrême gauche ou bien alors les boursouflures de la presse bourgeoise, on a des gens parfaitement diplômés, très bien diplômés, qui sont sur nos positions simplement parce qu'ils ouvrent les yeux. Donc on a des gens même dans les grandes écoles et qui sont d'accord avec nous et qui peuvent nous même en témoigner de première main. Donc c'est quand même. Et on s'adresse à un public d'esthètes. D'ailleurs, on aime notre public, nous. Ah, nous, on aime notre public, on ne saute pas sa gueule, ça c'est clair, hein. On n'est pas chez Hanouna ici. Alors, j'ai un autre... Je commente vite fait, je note quand même que les élèves sont bien préparés à leurs futures activités, puisque bon, ces écoles-là sont des écoles d'élite. J'imagine que peut-être une partie de ces gens-là vont finir à l'Assemblée nationale, et ben c'est bien, vu qu'ils ont appris à dormir dans les amphis, et ils pourront aussi dormir à l'Assemblée, comme on le sait. On peut ranquer aussi dans les bureaux de l'administration. Hein. C'est tout. C'est, je veux dire, là, ils sont polyvalents. Hein. Alors, il y a un troisième commentaire, dernier commentaire. C'est Nicolas qui regrette que nous n'ayons pas cité une déclaration de Hamon. On avait parlé de Benoît Hamon. Moi, je connaissais cette citation, effectivement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je vous la livre. Alors, je te donne la citation de Benoît Hamon, de 2007, elle remonte. « Quand je suis rentré à Brest, j'ai trouvé la ville très blanche. Pour être très honnête, j'ai même trouvé qu'il y avait trop de blancs, puisque Brest est une ville sans immigration. Cette attirance pour les autres cultures a certainement favorisé mon engagement politique. » Alors, il faut savoir que Brest... Brest blanc... Alors oui, bon, là je sais pas d'où il venait. Ou alors, enfin lui, à mon avis, c'est quand il y a trois blancs dans la rue sur une population de 100 000. Déjà pour lui, il doit saturer. C'est comme Mélenchon, ça, il dit j'arrive pas à respirer quand il y a des blonds autour de moi. T'sais. Ça doit être à peu près le même truc. Alors Benoît Hamon, c'est vrai qu'il il est pas né à Brest. Il est né dans un truc de métèque, je crois, au Sénégal, avec je sais pas combien de nationalités. Oh. C'est encore un fils d'expatrié, quoi, de la bourgeoisie, voilà, mais qui était content avec tous les bambous autour de lui. Et il est revenu sur le tard à Brest. Et il n'y est pas resté très très très longtemps, mais suffisamment longtemps pour commencer ses débuts en politique à SOS Racisme à la fac de Brest. Voilà, donc ça donne ouais, le ton, quoi. SOS Racisme et donc les jeunesses du socialiste. Hein. Je crois qu'il était président déjà à l'époque. Voilà, il est devenu plus tard. Mais ouais. Alors surtout que tu vois, le mec il me dit en 2007, alors que le mec était à SOS Racisme bien avant, dans les années 90, ouais. Hein, ou même années 80 ou 90, à Brest, le mec te dit en 2007, il n'y a que des blancs. Donc c'est, ah, tu vois, en 2007 À cette époque-là, j'y étais en plus à Brest, effectivement. Non, c'était pas trop blanc hein, pour moi, mais bon, voilà, peut-être qu'on n'a pas les mêmes goûts. Quoi. Mais le truc, c'est que le gars, en 2007, te dit qu'il y a trop de blancs. Donc, a fortiori, entre les années 80 et 90, il y en avait encore plus, tu vois. Mais le mec, son premier mouvement en termes d'engagement politique, c'est de rejoindre SOS Racisme à Brest. Ouais. Genre, tu vois, c'est un fléau, quoi, le racisme à Brest dans les années 80-90. Voilà, ça en dit long hein, sur le mec. Alors, je précise quand même que Benoît Hamon vit à Issy-les-Moulineaux, même s'il est élu à Trappes. Hein. Alors, Issy-les-Moulineaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est très, très, très, très blanc. Hein. C'est très, très blanc. C'est relativement préservé comparativement à d'autres. Ça doit être dur pour Benoît, tant de blanc. Ah, bah oui, c'est... Non, mais t'as vu, c'est ça, ce bal de faux cul permanent. Donc voilà, Hamon te fait des sermons sur le fléau blanc, le manque de diversité raciale, etc. Sauf que cette espèce de gros enculé, pour sa famille et pour le bien de ses enfants, il les met dans des bons quartiers bourgeois où il n'y a pas l'ombre d'un métèque pour aller tripatouiller ses gamines, tu vois. Voilà, bah ouais, bien sûr, c'est toujours mais la aucun même chose. Aucun mec de gauche ne vit parmi les nègres et les arabes. Ça, c'est... Alors, la diversité, c'est pour les autres. Je pense qu'il y a certains gros tarés qui pourraient peut-être appliquer leurs idées. Oui, je pense allez, à Besançon, allez, peut-être. Peut-être. Oui, non, voilà. Ouais, tiens, allez, tu mais même les Najat Vallaud-Belkacem, les Rachida Dati, les Rahmatoullah Iyadé ne vivent pas avec leurs congénères. Bien entendu. Ben non, bien sûr que non. Évidemment que non. Donc voilà, c'était pour les commentaires de cette semaine. Bon, ben, je vous propose de commencer notre première rubrique, culte. Peut-être déjà, en tout cas en voie 2, autisme radical. Sujet numéro 1, alors ça m'a beaucoup ému. Sujet animalier. Sujet. Alors, on manque pas de sujet animalier par les temps qui courent. Hein. C'est 30 millions d'amis tous les jours hein, ici. Fatou dit oui à Gilles Verdez. Allez, on écoute ça tout de suite et on se retrouve après pour en discuter. Je t'aime parce que je veux connaître avec toi tous les mondes réels et imaginaires. Je t'aime d'un amour inaltérable. Fatou, je t'aime à la folie. Je t'aime. Je veux vivre tous les moments avec toi. Alors Fatou, je te le demande avec énormément d'amour et tant d'ardeur. Ma chérie, mon amour, est-ce que tu veux m'épouser ? Oui, je veux bien. Ah. Bon, alors les amis, est-ce que vous êtes émus par cette demande en mariage de Gilles Verdez à Fatou ? Fatou, là. Est-ce que ça vous a fait quelque chose ? Derek, toi, je sais que tu connais bien ces animaux-là. Parle-nous-en un petit peu, là. Ah ben, c'est vrai que la photo, là, voir le Verdez avec ça, je sais pas, il a un visage indescriptible, hein, ce type-là, avec sa sauvage, là, c'est... ma foi, c'est assez. Ah, c'est une supra pédale quand même, hein, je crois qu'il faut le dire. Et sa gonzesse est une supra négresse, quoi. Pour le coup, waouh, c'est noir, quoi. Alors, il faut rappeler que Gilles Verdez était celui qui avait reproché à la nouvelle Miss France d'être, je le cite, plus blanche que belle. Alors attention, pas la nouvelle Miss France, l'ancienne Miss France qui est nouvelle Miss Univers. Donc Gilles Verdez, effectivement, il voit la beauté là où il n'est pas, hein, là clairement, chez une espèce de sauvage avec une dentition de cannibale. Par contre, sur la nouvelle Miss Univers, là, c'était une femme qui était plutôt plus blanche que belle, hein, d'après lui. Ouais, donc, alors, il voulait nous faire comprendre qu'en fait, elle avait été choisie parce qu'elle était blanche et non pas parce qu'elle était belle. Et finalement, voilà. On avait peut-être parlé dans une émission précédente, je suis pas sûr. En tout cas, je me rappelle que cette phrase m'avait retenu mon attention, évidemment. Et maintenant, en fait, on a la clé de l'explication. C'est-à-dire qu'en fait, ce type bourrique de la négresse, comme pas permis, enfin, encore qu'il n'a pas l'air très viril, je suis pas sûr qu'il en bourrique tellement. Enfin bon, il a une espèce de névrose qui le porte à être fasciné par les négresses. Et du coup, et voilà, il suffoquait à l'idée de voir Miss France n'être pas une subsaharienne, quoi. C'est assez frappant, hein. Moi, à l'instar de Michelle Obama, je demande un test génétique pour Fatou. Hein, parce que... Ah, pourquoi ? Ah, ben, je sais pas. Hein, pour moi, c'est pas évident. Ah, c'est pas sûr que ce soit, une femme, non ? Ah, je crois que Fatou, elle a quand même bien vu, parce que Gilles Verdez, il a pas l'air d'être en super santé, quoi. On sent quand même le bobo cocaïné en fin de parcours, et je serais pas surpris qu'elle soit bientôt veuve. Donc, je crois qu'elle est assez maligne, la Fatou. Ah, il y a un plan mariage, là. Hein. Et on parlait de ça, je vais vous donner une anecdote. Moi, je me rappelle, j'étais en bonne compagnie, d'ailleurs. C'était à Brest, ça fait le lien avec Hamon. Je me balade dans la rue, j'y vais jamais, d'ailleurs, dans cette ville de merde. Ça ressemble à Stalingrad, la ville, hein. C'est horrible. Hein. C'est vraiment l'architecture communiste, quoi. C'est l'architecture communiste, mais il n'y a pas que l'architecture, hein, parce que quand tu... Ouais, enfin, bon, je ne vais pas y revenir, mais... Et je sors, mais c'est une vision grandiose, hein. Je sors, je déboule sur la place de la mairie, donc l'espèce de gros truc, le temple soviétique du présidium, je ne sais pas quoi, là, tu vois. Il y avait le drapeau tricolore qui flottait au vent, il y avait les grandes esplanades vides, il y avait ce gros truc carré, et tout d'un coup, je vois une bande de nègres qui débaroule de partout. On aurait dit un orchestre. Des grosses Renault qui sortent de machin. Et je crois même qu'il y en avait un qui avait sorti un instrument de musique et tout. C'était un mariage. Et je regarde le trou du cul qui se mariait. C'était un comte blanc de 50 à 60 ans qui avait débaroulé sa grosse négresse. Et c'est pas une image, hein, c'était vraiment une grosse négresse. Elle était très grosse, hein. elle était plus large que haute, quoi. Et ils étaient sur le parvis de la mairie de Brest et il y avait le cul de conseiller municipal socialiste qui avait présidé à la saloperie. Qui avait uni les deux âmes, n'est-ce pas? Et alors là, c'était mirobolant comme vision. Hein. Je ne vous dirai pas qui m'accompagnait, ça vous ferait encore plus rire. Mais voilà, donc les négresses qui savent mettre le grappin sur des cons de blancs désespérés sexuellement, c'est quand même un fléau. Hein. Parce que, attention, hein, elles mettent parce qu'il y a toujours 30 ans d'écart, hein, et elles mettent la main sur tout. Hein. Elles mettent la main sur tout, hein, la baraque, le truc, le machin. Et quand j'ai vu la famille, il y avait la tribu, quoi. Il y avait la tribu. Ah, bah, ils ont gagné le loto, hein, c'est bon. Mais j'ai cru que c'était un orchestre de jazz, le machin. C'était impressionnant. Hein. Ouais, c'était impressionnant. Bon, bah, Fatou, bah, bonne chance. Hein. Tu vas en avoir besoin, parce qu'il faut quand même se taper le mec au quotidien. Hein. Bref. Ouais. Non, mais elle a touché le loto, hein. Pour moi. Voilà. La cagnotte, et puis dès que le type va vouloir un petit peu s'éloigner, il va finir empoisonné, là, comme. Comme le font toutes les négresses avec des blancs. Elle va piquer sa poupée, là. Elle va faire du vaudou. Exactement. Et par contre, c'était chez Hanouna, non, le truc? C'est bien chez Hanouna. Ouais, bah ouais, c'est le cirque juif. Quoi. Non, mais c'est impressionnant. Mais c'est... Quand tu vois ça... En plus, il a quatre pattes et tout, mais tu sais... C'est symboliquement, c'est fort. C'est l'homme blanc, tu vois, qui mendie à la négresse de le faire crever génétiquement. Bah, l'homme blanc. Bon, c'est un résidu racial déprécié, mais enfin n'empêche que symboliquement, si tu veux, sur la rétine pour les millions de sous-hommes qui ont osé regarder ça en rigolant, je comprends qu'Hanouna rigole dans la coulisse, tu vois. Bien sûr, il ricane, il se frotte ses doigts crochus, c'est sûr. Oui, bien sûr. Bon, bah voilà pour notre ami Gilles Verdez. Sujet numéro 2. En vitesse, mais j'ai trouvé ça intéressant. Berlin, des féministes anti-Trump se rassemblent au cri de Allah Wakbar. Alors on écoute ça tout de suite, hein. C'est pas du mytho, on n'invente rien, on écoute. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette performance intéressante avec des lesbiennes décolorées hystériques qui manifestent leur solidarité aux musulmans au cri de Allah Akbar. Là, Argel, c'est pour toi. Je veux que tu me donnes ton sentiment là-dessus. Bah, je crois qu'on l'avait déjà dit, un truc qui était plus ou moins de ce genre-là. C'est qu'en fait, la haine de ces bonnes femmes immondes et frustrées, leur haine de l'homme, et en particulier forcément de l'homme blanc, est telle qu'elles préfèrent encore l'islam, l'islam qui est l'antithèse du féminisme ou quoi que ce soit, qui les réduira à l'état d'esclavage, que ce soit sexuel ou que ce soit domestique, mais elles préfèrent encore l'islam à l'homme blanc. Voilà, c'est la haine absolue de l'homme blanc, de gens qui sont... qui sont complètement, à mon avis, tellement mal dans leur peau, tellement mal dans leur identité sexuelle, que c'est la haine absolue de l'homme blanc. C'est la phase terminale de la haine. Donc, on s'associe à ceux qui ont la haine de l'homme blanc, c'est-à-dire l'islam, l'islam intégral, l'islam fondamentaliste. Donc, limite, c'est presque normal, mais ce serait hyper intéressant si, je dirais pas par un psychanalyste, mais plutôt par un psychiatre. Ces gens-là sont tarés, sont des ethnomasochistes tarés qui veulent crever, qui veulent mourir, et il faudra leur en donner la possibilité, je pense. Bah, ce sont des asociaux, hein. Éléments, et même des sociopathes, ce sont des gens qui ne veulent s'inscrire dans aucun cadre social naturel, et donc oui, tu l'as bien dit, moi je te rejoins là-dessus. Mais c'est intéressant de voir ces femelles hystériques castratrices, donc ces broutes gazon là, aller au bout, c'est-à-dire Allahu Akbar, c'est-à-dire Dieu est grand. Donc en fait, surtout, les filles sont athées, lesbiennes, voilà. Elles portent des pancartes dismantle white supremacy, donc c'est-à-dire la suprématie blanche, et puis donc elles crient Allahu Akbar en même temps. Là, c'est, voilà. On se croirait à Raqqa, tu vois, il y a une petite ambiance d'Orient là-dedans. Hein. Ouais, mais c'est intéressant parce que là, l'histoire des privilèges blancs, excusez-nous, l'Europe, c'est le pays des blancs, enfin, c'est le continent des blancs, c'est la terre ancestrale de l'homme blanc, et ça, par contre, ils vont pas réussir à le vendre. Mais ils vont essayer. Très sérieusement, ces genres de bonnes femmes, ce genre de tarés, il faudra les renvoyer avec les immigrés. Mais vraiment, sérieusement, il faudra vraiment les envoyer en Afrique avec les Noirs. Pour qu'ils servent de casse-dalle, d'esclaves sexuels, mais on ne peut pas garder des gens comme ça. Eux ne seront pas rééducables, ce n'est pas possible. C'est des éléments sociopathes, mais c'est plus que le rejet de la société. Là, on est dans un projet proactif de destruction de la société. Ces gens sont complètement tarés. C'est-à-dire que tu prétends défendre la femme... Et tu t'associes à l'islam, qui est un système patriarcal extrêmement dur, beaucoup plus dur que ce qu'on a connu en Europe, même au par-delà des siècles. C'est vraiment n'importe quoi. Non, mais il faut qu'ils finissent dans une marmite au fin fond de l'Afrique, digérés et chiés par des nègres. C'est ça qui c'est leur projet, voilà. Je pense. Ah bah bagne à Cayenne. Enfin, On avait une Gabonaise, enfin une Bretonne, il me semble, qui était mariée à un Gabonais, qui était installé parmi les pygmées avec son mari et ses chiens, et qui a fini en casse-croûte. Donc ça, c'est effectivement un bel horizon. C'est un bel horizon pour la femme, ouais, pour la femme gauchiste. C'est la fin logique de l'eschatologie, j'allais dire, écolo-gauchiste, c'est-à-dire de finir en humus fertiliser les nègres. Ouais, le baobab de l'entrée d'un village de nègres, c'est la fin finir logique. Finir en merde de nègres, voilà. Ah, c'est ça, et je pense qu'il y a... Mais ce qu'on devrait promouvoir, et ce qu'on devrait activement mettre en œuvre plus tard, quand on en aura l'opportunité, c'est de donner à ces gens la possibilité de réaliser leur aspiration profonde. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut les marquer, hein, pour les reconnaître. Hein. Je sais qu'on a marqué à l'époque certaines populations, hein, en mettant des petites étoiles rigolotes. Ben là, ces gens-là, il faut les marquer. Il faut leur faire une teinture de la tête, les peindre en vert. Attends, le problème, c'est qu'ils se distinguent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se teignent les cheveux, quand même. Je sais pas comment. Il faut être sûr. Ne serait-ce que d'un point de vue sanitaire, pour pas attraper une maladie. Donc, il faut bien dire, accoucher avec... Voilà. Tu sais, un enfant qui se promène, tu vois, sur une place publique, tu vois, il faut pas qu'il aille chez les gens qui ont la tête verte, tu vois. Ben là, au moins, ça serait bien. On réfléchira à des options, alors. Rubrique numéro 2, chers amis, alors là, c'est tendu, c'est guerre raciale. Guerre raciale, parce que là, on est dans le sujet pur et dur. Alors, j'ai trouvé ça sur Hebb de Souche, qui citait lui-même Atlantico. Depuis 2011, en France, plus 43% de subsahariens. Eh oui. Je cite les extraits de l'article, hein. Michel Tribala est démographe, spécialisé dans le domaine de l'immigration. Elle a notamment écrit « Assimilation, la fin du modèle français » aux éditions du Toucan en 2013. Son dernier ouvrage, « Statistiques ethniques, une querelle bien française » vient d'être publié, édition de l'Artilleur. Alors, extrait de ce qu'elle a pu écrire. « Si l'on ajoute les deux générations, immigrés et enfants d'immigrés, cela donne un total de 13,5 millions, soit 20,4% de la population. » Donc d'après Michel Tribala, les immigrés représentent 20% de la population française, 13,5 millions, dit-elle, à ce stade. Je continue. Si l'on ramène les chiffres de l'INSEE à la France métropolitaine, on a à peu près 13,2 millions de personnes d'origine étrangère sur deux générations, à comparer à 12,1 millions 4 ans plus tôt et à 9,8 millions en 1999. Donc entre 99 et maintenant, on a, y a à peu près... 3,5 millions à peu près de plus. Soit 19,2% en 1999. En 2011. Alors, elle enchaîne ensuite, et là on vient sur ce qui m'intéresse plus particulièrement. La population d'origine subsaharienne est celle qui croît le plus rapidement en 4 ans, 2015-2011, sur deux générations, immigrés et enfants d'immigrés. Elle aurait ainsi augmenté de 43%. Elle est extrêmement jeune, 80% des enfants d'immigrés subsahariens ont moins de 25 ans en 2015. Qu'est-ce que ça vous dit, ce chiffre hallucinant quand même, hein, en 2011, donc à la veille de l'accession du Parti Socialiste aux responsabilités, sur le mandat de François Hollande, et même un peu avant, puisque c'est 2015, donc il faudrait même rajouter 2016, la première moitié de 2017, on est sur ce chiffre dingue de l'augmentation du nombre de nègres en France. Qui veut rebondir? Derek, vas-y, dis-nous quelque chose là-dessus. Déjà, il faut voir les statistiques, hein, des naissances par rapport à la drépanocytose. On voit effectivement, région PACA, région Île-de-France et le Nord, où on est majoritaire, quoi, hein, au niveau des populations à risque pour la drépanocytose, donc arabes et subsahariens. Mais qu'est-ce que ça dit? L'augmentation fulgurante du nombre de subsahariens en France, c'est un pur hasard, c'est ça? Personne n'aurait pu le prévoir. Des noirs qui prolifèrent comme des lapins, tiens, c'est bizarre. Pourtant, ils ne font pas ça chez eux, je crois. Non, chez eux, ils ont une maîtrise de leur démographie. Non, c'est pas ça. Ah non, ils se reproduisent comme des lapins. Ah, c'est effectivement le. Ah non, mais c'est comme des lapins. C'est la définition du nuisible. Ou la bactérie, quoi. Ouais, non, mais c'est la définition du nuisible. Comme les renards, etc. Ce sont des espèces qui se reproduisent hors de tout contrôle et qui nuisent à leur environnement immédiat. Le nègre, moi, je le qualifie, rentre dans la qualification du nuisible. Parfait. Non mais vraiment, je veux dire. Non mais vraiment, non mais de toute manière, ils font ça chez eux, ils auto-détruisent leur environnement. Dénigrent en France. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils font comme ils ont toujours fait depuis 100 000 ans, quoi. Donc. Et c'est encore pire en France, enfin en Europe, parce qu'en fait, il n'y a pas de mortalité infantile chez eux. Ah, sur 15, t'en as 7 ou 8 qui y passent, tandis que là, en France, on les a tous, même ceux qui seraient pas censés survivre. Et en plus, on va soigner les myopathes africains. Ouais. Attention. Voilà. Oui, les drépanocytaires. On récupère pas forcément en plus l'élite. Et donc, mais après, pour revenir à la statistique, qui s'en étonnerait? Dire toute personne qui se balade, qui soit pas voilà complètement cloîtrée au fin fond d'un hameau de la Lozère ou de la Haute-Loire, toute personne qui se balade dans les grandes villes françaises s'aperçoit que l'invasion est terrifiante, plus qu'alarmante. C'est pas possible de se sentir bien au milieu de tout ça. C'est pas possible de se sentir bien à la gare du Nord à Paris. C'est pas possible de se sentir bien à Marseille, comme le disait Derrick, là où moi où je suis allé il y a pas très longtemps. On est clairement dans une ville islamique. C'est tu ne vois pas une seule. Alors déjà, il y a quasiment que des nanas maghrébines, t'as du mal à trouver des blanches. Et toutes les nanas maghrébines sont voilées. Et voilées, attention, c'est pas le petit voile qui couvre les cheveux, non, c'est voilées avec juste presque le grillage pour les yeux ou juste une fente pour les yeux. Mais c'est effrayant. Et ces chiffres, en fait, confirment ce que disent les abominables types d'extrême droite que nous sommes, qui disent que la France, que l'Europe est envahie. Ben voilà, ces chiffres le prouvent. Et quand on voit dans des émissions, tous ces experts qui nous expliquent qu'il n'y a pas plus d'immigration en France qu'en 1953, enfin, mais des trucs que même un enfant de 6 ans ne pourrait pas croire, quoi. Et on en est encore là. C'est-à-dire que, mais heureusement, les Français, quand même, commence à ouvrir les yeux et les narines, surtout dans les RER, et j'espère que ça va signifier un réveil salutaire des Français, des Européens, face à cette invasion de cafards. Bah là, on voit l'invasion qui augmente, mais là, ce qui moi, me frappe, évidemment, c'est pas spécifié pour les Nord-Africains, voilà, donc on ne sait pas, je ne connais pas le volume d'augmentation. Non, c'est moins important, hein. C'est vrai que c'est moins important, mais l'explosion du nègre, c'est impressionnant, je veux dire, là, c'est la négrification. On a parlé dans l'émission précédente, et on en reparlera encore, de la dysgénie. Tu parlais très bien de ça, Argyle, en disant, voilà, on est en train de prendre en charge des éléments qui sont... des populations qui sont improductives complètement, qui détruisent par ailleurs leur environnement social, ça on l'a bien dit, mais on encourage encore plus une natalité déjà prolifique, ce qui est quand même hallucinant. C'est un suicide, au ralenti, c'est incroyable, et moi j'étais stupéfait de ce chiffre, hein, je veux dire. C'est certain qu'encourager une politique de natalité en France... Sans établir de discrimination quelconque par rapport à l'origine ou autre, hein, à la race, hein, clairement, c'est du suicide. Hein, c'est carrément du suicide. Hein. Déjà que, elles sont déjà, pour moi, trop encouragées à faire des gosses. Quoi, hein. Les allocations à l'heure actuelle, pour les négresses, c'est l'Eldorado. Quoi. Donc si tu renfiles encore plus, il y aura encore plus de gosses. Donc c'est bon, ça va. J'ai envie de citer Louis Ferdinand Céline, là, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est toujours maudit, hein, d'ailleurs il n'a toujours pas le droit de citer. En France, hein, il avait été, quand on a voulu lui remettre un prix il y a quelques années, les Juifs avaient hurlé en fait. Hein. Voici ce qu'il disait Louis Ferdinand. La France est d'instinct tout ce qui l'empêche de se livrer aux nègres. Elle les désire, elle les veut. Grand bien lui fasse, qu'elle se donne. Par le juif et le métis, toute son histoire n'est au fond qu'une course vers Haïti. Quel ignoble chemin parcouru des Celtes à Zazou, de Vercingétorix à Gunga Diouf. Tout y est, tout est là, le reste n'est que farce et discours. Ça mérite réflexion. Là, on revient à Gilles Verdez, quelque part, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une émission fortement thématique aujourd'hui. Non, mais Louis Ferdinand, moi j'invite les gens à lire Louis Ferdinand. C'est lui qui était d'ailleurs qui était un Celte revendiqué. Lisez-le parce que c'est un prophète. Hein. C'est pour ça qu'il est tellement haï et détesté. C'est un prophète, Louis Ferdinand. Hein. Céline est un prophète. Hein. Et il a, il faut lire, c'est, il faut lire, il faut tout lire, quoi. Et d'ailleurs, tous les fils de pute qui se revendiquent de Céline Oui! en général sur Alain dans la Soral. chiassidence, etc. Mais Alain il n'y a, y a pas que Soral, Alain Soral, hein, y a... Non, pas que Soral, surtout les espèces de bougnoules en mode, voilà, mode Céline, quoi. Non, mais ça, ça c'est c'est vraiment insupportable. de la chiasse finie. Mais c'est marrant parce qu'ils occultent, enfin, ils focalisent énormément sur le côté anti-juif. Alors qu'en fait, enfin bon, bien sûr, Céline est anti-juif, mais Mais pourquoi il est anti-juif? Pourquoi il est dans anti-juif? sa critique des juifs, il fait bien noter que, en fait, la seule chose qui peut arriver à arrêter l'emprise juive sur la France, c'est le racisme. Et ces gens-là en font complètement abstraction, comme si le mec n'avait jamais dit ça, quoi. Alors que, enfin, ils séparent toujours le côté anti-juif du côté Et raciste ça va plus loin que biologique. ça, c'est-à-dire qu'on a des gens, effectivement, je vois les oiseaux que vous citez, d'ailleurs d'un mec comme Marc Edouard Nabe, cette espèce de résidu de capote là, d'ailleurs qui est un métèque, hein, je crois qu'il a des origines turques et tout, c'est une espèce de C'est une saloperie de sorte de métèque. grec turc, on sait Ouais, pas. Enfin, c'est le mec, déjà, il aime le jazz, quoi. Donc c'est un même bah, pas. levantin. C'est un Non, mais levantin. voilà, c'est encore un métèque de cette cuve à chiottes. Désolé, je dis les choses comme je les pense, de cette cuve à chiottes raciale qu'on appelle la mer Méditerranée. C'est encore un machin qui vient nous emmerder là, tu vois. Et le mec, il se prévaut de Céline et il fait typiquement ça. C'est-à-dire qu'il évacue tout ce qui est évidemment éminemment raciste ou réalisme racial chez Céline. Et il n'en retient que ce qu'il veut bien dire. En plus, avec toute la phraséologie victimaire, parce qu'en fait, ce type est un type de gauche. Hein, je veux dire, Nab, les mecs qui croient que Nab est un mec d'extrême droite ou un fasciste, enfin, il est autant fasciste que moi. Je suis un encarté du Parti communiste. C'est une escroquerie. Et il n'y a pas que lui, évidemment. Y en a d'autres, il y a d'autres oiseaux, et Soral aussi, qui évacue complètement la question raciale. Et comment dirais-je, Céline dit un truc à un moment dans un de ses, j'ai oublié lequel d'ailleurs, dans un de ses pamphlets, il dit, le juif n'en a rien à branler de l'antisémitisme si le racisme ne suit pas derrière. Il dit, ça l'amuse même. Oui, ça, ils s'en accommodent parce que les juifs, enfin, les jouent absolument sur l'antisémitisme. Enfin, la posture victimaire se félicite de l'antisémitisme en réalité. Donc, tant que ça n'est pas suivi de racisme biologique, tant qu'en fait il n'y a pas de volonté de les évacuer physiquement, ils s'en foutent royalement. Hein. Ouais, ce que dit Céline, c'est que le racisme, c'est quand les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire, c'est quand tu te réappropries ton destin. Et tu te réappropries ton territoire. Et quand il dénonce les Juifs, il dénonce chez les Juifs justement cette volonté de promouvoir le cosmopolitisme, le multiculturalisme déjà à l'époque, etc. Et il dit évidemment, le remède immédiat au multiculturalisme promu par certains intellectuels juifs, c'est évidemment... l'instinct de conservation ethnique et raciale. Et quand tu vois des gogols qui viennent te parler de Louis Ferdinand sur des questions. Enfin, sur des. Sur... Moi, quand je dis Soral, le mec, il t'explique pratiquement que Céline est un communiste. Ça me fait. C'est à pisser de rire. C'est à pisser de rire. C'est à pisser de rire. Et c'est important de le rappeler. Effectivement, c'est important de le rappeler. Ah non, mais d'après Soral, Marx aurait voté Le Pen, quand même. Donc, bon, à partir de là, tout est Et permis, hein, j'ai envie de si dire. Jésus était à côté de lui, il serait en train de sourire, effectivement. C'est important à rappeler. Enfin bref, voilà donc pour malheureusement la France en voie de négrification accélérée. On va pas citer toutes les personnes qui ont parlé de négrification de la France, ça pourrait choquer certaines âmes sensibles, mais c'est un thème qui est souvent revenu ce dernier siècle. Il y a des grands philosophes, un grand philosophe allemand. Du début du Qui 20e portait des siècle, je moustaches. crois, qui en a touché quelques mots. Un peintre, peintre Ouais, aussi. un peintre. D'abord en bâtiment, puis ensuite peintre tout court. Hein. Alors, rubrique numéro 3, chers amis, c'est le droitard de la semaine. Victor Orban. Victor Orban. Qu'est-ce qu'il nous a dit ce brave Victor Orban? Ben, je vous lis une dépêche qui est passée sur Euronews. Dans son discours annuel sur l'état de la nation, M. Orban a désigné un certain nombre de menaces pesant sur la Hongrie. Il a notamment désigné d'ailleurs l'immigration illégale, notamment musulmane. Et il a assuré vouloir accueillir les vrais réfugiés dans son pays, à savoir les réfugiés de France, d'Allemagne, d'Italie ou de Hollande. Je le cite. Bien sûr, nous pouvons offrir notre protection aux vrais réfugiés. allemands, hollandais, français, italiens, hommes politiques et journalistes terrorisés, les chrétiens qui doivent fuir leur propre pays, tous ces gens qui veulent trouver ici l'Europe qu'ils ont perdue chez eux. Voici ce qu'a déclaré donc le Premier ministre hongrois. Donc alors ça, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que dans un discours extrêmement important, hein, c'est le discours un peu comme aux États-Unis, hein, le président des États-Unis se rend à la Chambre des représentants chaque année pour faire un peu le bilan de sa politique. Là, c'est la même chose avec le Premier ministre hongrois qui cite dans son discours. Il dit voilà, il a même cité Soros. Il a dit Soros est une menace directe pour la Hongrie. C'est quelqu'un qui finance des activités subversives contre la Hongrie, notamment sur la question de l'immigration. Et il dit voilà, nous sommes un pays qui veut accueillir de vrais réfugiés, c'est-à-dire ceux qui fuient. Il a même dit ceux qui fuient les politiques gauchisantes d'Europe de l'Ouest. Incroyable quand même, incroyable. Qui veut réagir, Argyle? J'ai envie d'avoir ta réaction là-dessus. En tant que Français, c'est presque surréaliste, quoi. On a du mal à imaginer le dirigeant d'un pays qui dit voilà ce qu'on pense, et en plus qui tend la main en disant mais sortez-vous, venez, je veux bien vous sortir de cet enfer. Alors évidemment, c'est dit sur un ton ironique, mais ça redonne un espoir terrible, quoi. C'est pas du tout ironique. C'est pas du oui, tout non, ironique. Mais tant mieux. On sait qu'on a on a un endroit où on peut demander l'asile politique. Peut-être entre la Hongrie et les États-Unis, mon cœur balance. Et non, c'est vraiment. Je crois que ça donne aussi un sentiment d'espoir, sachant qu'il existe encore des pôles de résistance tels que la Hongrie, qui est relativement modeste par rapport à ses capacités, on va dire, géopolitiques. Mais on sait que les États-Unis en prennent le chemin aussi. Je crois que ça augure d'un avenir. Qui s'annonce pas forcément radieux, puisque ça va être quand même assez compliqué de reconquérir nos territoires. Voilà, c'est sûr que le vent est en train de tourner, comme les marxistes aiment bien dire qu'il y a un sens de l'histoire, si c'est complètement faux. Mais par contre, là, le vent, on sent que c'est en train de tourner et que les dirigeants les plus lucides et les plus courageux sont en train de montrer qu'il est possible d'avoir un discours alternatif qui se retrouvent majoritairement dans les populations blanches européennes, que ce soit dans tous les pays. On a beau dire, ceux qui soutiennent l'immigration comme ça en France, ils sont minoritaires. Si on vit dans le pays réel, on voit que la majorité des Français sont contre l'immigration, sont contre l'islamisation, donc sont contre la plupart des décisions de l'État. Donc c'est sûr que je pense que le nationalisme, la résurgence du nationalisme, la reconquête nationale et européenne, a de beaux jours devant elle. Merci, monsieur Orban. Moi, j'ai envie de préciser un truc. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont dire « Attendez, nous, on ne va pas se barrer, on va défendre notre pays, etc. » C'est entendu, hein. Mais ce que j'ai particulièrement relevé dans ce qu'il a dit, évidemment, il y a une forme de pied de nez, hein, c'est de dire à Merkel, et tout, moi, je sais où sont nos intérêts en tant qu'Européens. C'est intéressant parce qu'il place une communauté de destin européenne, alors que c'est un souverainiste hongrois, hein, attention, hein, c'est pas quelqu'un qui est c'est pas un européiste au sens où on l'entend aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout contre une Europe puissance, d'ailleurs, hein, mais c'est quelqu'un qui est un souverainiste, c'est quelqu'un qui est assez eurosceptique, qui est très sceptique sur la façon dont est menée la politique européenne aujourd'hui à Bruxelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il désigne une communauté de destin européenne, qui est fondée sur l'appartenance raciale, clairement, enfin, faut pas se mentir, et aussi spirituelle, intéressant, il parle des chrétiens. Et il dit, voilà, il y a des journalistes, des hommes politiques, qui ne peuvent pas s'exprimer en gros dans leur pays, c'est ça que ça veut dire, qui sont suffisamment menacés pour avoir besoin de se réfugier quelque part. Et là, la Hongrie a les bras ouverts pour ces gens-là, et il cite les pays en question. Donc ça veut dire qu'en France, ou en Allemagne, qui sont des pays qui passent leur temps à nous expliquer que ce sont des parangons de vertu démocratique et des havres pour les droits de l'homme, il y aurait des journalistes, il y aurait des gens qui écrivent ou qui pensent et qui s'expriment et qui ne pourraient plus ou de moins en moins le faire librement sans craindre des représailles tantôt de musulmans hystériques ou tantôt de la gauche ou du gouvernement de leur pays respectif. C'est intéressant de le noter. Donc il y a quand même une fissure sur le continent entre des gens qui sont conscients d'être européens, conscients d'être des blancs, qui appartiennent à une civilisation commune, et l'Europe de l'Ouest, effectivement, de fait, qui, elles, en tout cas dont les élites sont convaincues de défendre un modèle de civilisation, enfin, pour moi qui est un modèle d'anti-civilisation complète. Je veux dire, c'est mélanger des nègres, des musulmans et attendre un miracle en termes de culture, il faut vraiment être un attardé fini pour s'imaginer. Et de voir que les Européens des Européens d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est en prennent conscience et prennent des positions politiques fortes au niveau des gouvernements pour le contrer, moi je trouve ça aussi extrêmement positif. Alors oui, à la Reconquête, mais vous savez, dans toutes les luttes, on a toujours vu des gens devoir agir aussi depuis l'extérieur, hein, c'est pas du tout nouveau. Je pourrais prendre la lutte de l'Irlande contre les Britanniques, je pourrais prendre plein de luttes nationales d'émancipation, il y a toujours eu des militants qui ont dû passer les frontières, etc., pour continuer leurs activités, c'est absolument pas nouveau. En tout cas, c'est un mouvement courageux de la part de Orban qui durcit un peu plus le ton. C'est surtout en termes de relations internationales, parce que c'est la première fois, je crois, qu'un dirigeant d'un pays européen, etc., historique, admet que les vrais réfugiés, enfin ceux qui devraient pouvoir se planquer, etc., parce qu'ils sont attaqués, parce qu'ils sont génocidés, parce qu'ils sont remplacés, donc les vraies victimes sont les Européens. Ouais. Et c'est, en termes de relations internationales, c'est pas rien. Bon, après, l'écho qu'a, évidemment, les médias mainstream ne vont certainement pas relayer tout ça, ou très peu, mais c'est quand même important. Alors, il faut savoir, on l'avait dit, hein, je crois que c'était pas l'émission, peut-être la dernière émission de l'émission d'avant, que Orban avait téléphoné à Trump et le courant était très très bien passé et Orban avait bien fait comprendre qu'il soutenait... D'ailleurs, c'est le seul chef de gouvernement européen qui a soutenu ouvertement Trump pendant la campagne. Hein. C'est le seul. Hein. Autant que je puisse en juger d'après les informations que j'ai, c'est le seul à l'avoir fait, ce qui n'a pas dû échapper, je pense, au président américain et qu'il a invité d'ailleurs. Et Trump a développé la même rhétorique à un moment donné. Il a dit « Pourquoi on accueille des gens du tiers-monde alors qu'on pourrait faire venir des Européens, etc. » À un moment, il a dit ça aussi, hein, dans sa campagne. Il a dit « Attendez, on fait venir des pouilleux de Syrie. » Bon, il va parler comme ça, c'est moi qui dis. « On fait venir des rastaquaires musulmans de Syrie alors qu'on a des gens surdiplômés en Europe qui n'ont pas de débouchés parce qu'ils sont, devinez pourquoi, en France, vous savez très bien pourquoi, qui pourraient être performants. » Alors, je ne dis pas qu'il faille vider l'Europe de sa population, il faut bien m'entendre. Mais disons qu'il y a quand même, entre Donald Trump et Viktor Orban, il y a quand même la compréhension de la réalité. Voilà, ils identifient bien un problème qui est en train de se dérouler principalement en Europe de l'Ouest. Il va falloir à un moment donné lancer la contre-attaque, il va falloir apporter du soutien à ceux qui résistent, dont je veux croire que nous faisons partie. Donald Trump a déclaré qu'il était horrifié par ce qu'était devenue la France, il l'a dit plusieurs fois, oui. La France était devenue une vaste poubelle musulmane, quoi. Il est effrayé par ce qu'on est devenu. Ouais, il a dit effectivement que il a dit Paris n'est plus Paris, et de Bruxelles, il a dit que Bruxelles est devenue un trou à rats. Oui, à bon sens de la formule. Il a dit c'est un trou à rats. C'est un trou à rats. C'était juste après les attentats islamistes. Il a dit c'est un trou à rats. Pour ceux qui ont visité la ville, hein, on peut être que d'accord. Hein. C'est une ville à majorité marocaine pratiquement en Bruxelles maintenant. Hein, je crois. C'est une ville en tout cas où quand tu sors, tu entends parler des gens en congolais, en pakistanais, en tout ce que tu veux. Tu ne vois pas de Belges. Tu ne rencontres pas de Belges. Dans quelques brasseries, tu as encore des Belges. Mais sinon, tu n'en as pas. C'est à Bruxelles, tu n'as que des Maghrébins, et puis après, toutes sortes de populations plus ou moins pouilleuses du monde entier, mais tu vois très très très peu de Belges, de locaux. Même les restaurants des quartiers un peu historiques, tu vois, c'est un truc que moi qui m'horripile au plus haut point. C'est-à-dire que devant les restos, tu as un mec qui te fait le... et qui tente de t'alpaguer, tu vois, pour entrer, et puis c'est tout le temps des Arabes. C'est-à-dire que t'as l'espèce d'Arabe avec son tablier, genre un serveur, chemise blanche, qui veut te faire entrer dans le resto. C'est horrible. Ah ouais, Bruxelles, dont l'architecture est pourtant magnifique, ceci étant dit. Mais bon... Tout à fait. Salopé par les politiques très, très, très visionnaires. Hein, et par des métèques. Ouais, non, mais c'est absolument horrible. Oh, non, mais c'est terrible, c'est terrible. Ils ont salopé. Parce que tout ce qu'on voit en Europe de l'Ouest et en Europe centrale, des belles villes, Prague, etc., sont des très belles villes, je veux dire. Mais c'était comme ça en Europe de l'Ouest avant. Il y avait des très belles villes en Europe. Paris était considéré comme ça. C'était comme ça. C'était une ville blanche avec une très belle architecture. Mais maintenant, enfin, maintenant, il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a 50 ans, c'était comme ça, Paris. Tellement de nègres qui ont coulé. Bah voilà, il y a tellement de nègres qui malheureusement n'ont pas coulé justement dans la Méditerranée que voilà, on se retrouve maintenant avec un repeuplement dégueulasse. Paris, c'est infâme. Paris, c'est infect. Je suis désolé, moi, j'y foule le moins possible les pieds. Surtout maintenant, mais même, je veux dire, même quand j'en avais l'opportunité, je fuyais cette ville. C'est pas possible, quoi. Bah, il faut Même dans le 16e, hein, l'autre coup, j'étais dans le 16e, tu peux imaginer que c'est à peu près préservé. Et ben non, t'avais des sortes de Roms qui étaient au coin de la rue, puisqu'ils étaient bourrés, ils étaient à 3 ou 4. Il y avait deux jeunes filles qui retournaient à leur voiture. Je suis allé les accompagner parce que je dis, attendez, ils vont vous faire chier dès que vous allez passer la croix de la rue, quoi. C'était dans le 16e, c'était que là, je venais de croiser Robert Hossein dans le troquet où j'étais. Enfin, je veux dire, même là, c'est envahi de pouilleux venus de je ne sais où qui peuvent très bien te suriner juste au coin parce que tu n'auras pas voulu leur filer un euro, quoi. Ah, c'est absolument terrible. Parlons pas des transports en commun, etc., avec toute cette faune dégueulasse, cette basse humanité qui grouille. C'est horrible. Je veux dire, ils ont transformé Paris en la ville la plus importante de l'Afrique. Hein. C'est la première capitale d'Afrique. La première capitale d'Afrique. Et de loin, et de loin, et de loin. Surtout, comment se dire que dans 15 ans, ça ira mieux, tout, ou ce sera Oui. à peu près pareil. C'est tellement évident que Bah, ça sera d'ici. plus homogène. Allez, je dis Paris dans 20 ans, mais c'est pas, si rien n'est fait, si c'est toujours pareil, mais je veux dire, les Blancs vont se compter comme à Brazzaville, quoi. Ça va être à peu près la même chose. Bah, on a parlé de la démographie galopante de la négraille. Oui, c'est évident. 2 plus 2 font 4. 2 nègres plus 2 nègres font 4 nègres. Et c'est ce qui va se passer en Île-de-France. Hein. Alors, je ne sais pas quels sont les rythmes. Est-ce qu'il y a, il y a. Je pense qu'il y a quand même toujours beaucoup, beaucoup d'immigration qui vient d'Afrique du Nord. Mais c'est vrai que la bombe nucléaire, raciale et génétique, c'est quand même Non, c'est mais quand même même écoute, même la nègre, hein. en envisageant qu'on arrête de faire venir des. Allez, qu'on coupe les frontières. Tu vois? On va dire, on coupe, allez, plus personne n'y rentre. Le problème ne change pas. Hein. Allez, tu Pour retardes. expliquer à Marine Le Pen. Ah, ben ouais, peut-être que oui. Tout le monde n'est pas français, tout le monde est patriote, effectivement. Mais ouais, tu retardes le problème d'un an et demi, quoi. C'est tout. Hein. Par rapport à la croissance démographique du nègre, tu gagnes un an et demi, c'est tout. Putain, ouais, c'est. Chers amis, on se retrouve après une pause musicale pour la deuxième partie de notre émission. Et si pourfois on expulsait les négros, comme s'il était temps de changer de drapeau. Et si ce soir ils rentraient à Bamako, avec leur négresse par le premier bateau, c'était pourtant bien. Tous ces Mamadou, tous ces gentils Maliens qui vivaient tout autour de nous, ils sentaient si bon, et moi j'étais pour leur donner du galon, leur carte de séjour. Et si pourvoir on dégageait les bicots, comme au bon vieux temps où on était capot, on ne verra plus ces gens en boubou, la foule des exclus, des vendeurs et des marabouts. Mais on s'y fera bien, sur le sol de France. Les bien-pensants de demain vont se trouver d'autres souffrances. Et si pour voir on butait tous les négros avec leurs enfants, leurs femmes et leurs troupeaux. Et si ce soir on les mettait au poteau, un peu de tendresse à coups de fusil d'assaut. Et si pour voir on virait tous les négros, restons entre gens de même couleur de peau. Et si ce soir ils rentraient à Bamako avec leur négresse par le premier bateau. Et si pour voir on expulsait les négros, comme s'il était temps de changer de drapeau. Et si ce soir, il rentrait à Bamako avec le négresse. Bon, bah, nous allons commencer cette deuxième partie en parlant donc de cette affaire qui nous concerne directement, puisqu'elle a fait la une de tous les journaux et on n'a pas pu y échapper. C'est la police qui nique Aulnay-sous-Bois, pour le coup. Hein. Là, il y a eu du nègre qui s'est fait niquer. Officiellement, donc, en tout cas pendant les premiers jours de la polémique, un gentil nègre d'Aulnay-sous-Bois, déambulant sereinement dans la rue, se fait sauvagement alpaguer par quatre policiers qui s'empressent de l'insulter avant de le savater, puis le sodomise avec une matraque. Voilà. Tellement sodomisé qu'il saigne abondamment et aurait presque vu ses jours mis en danger. La presse nationale française s'emballe, hurle à la bavure policière, dans les 24 heures immédiatement, des émeutes s'en suivent, François Hollande, n'écoutant que son cœur, se précipite au chevet de la victime, se fait prendre en photo, se fait filmer. Qui veut, à chaud, hein, donner son petit sentiment sur le truc? Ensuite, on va rentrer vraiment dans le détail de cette affaire. Derrick. Ah bah moi, je veux bien, parler. Je veux bien en parler. Bon, alors déjà, d'une part, on n'imaginait pas. À chaque fois, on se dit, c'est pas possible, ils vont pas descendre si bas. Et là, en fait, quand j'ai vu la photo d'Hollande qui était sur le lit d'hôpital de l'autre avec son trou du cul éclaté et qui allait lui serrer la main, mais tu te dis, mais putain, mais ne serait-ce que l'image à l'international. Non, mais imagine Trump et Orban qu'on a dû mettre au courant et ils ont dû se pisser dessus de rire. Enfin bon, bref. Mais moi, un truc que je voudrais souligner, qui évidemment a un rapport avec ça, c'est la relation des Afro-Maghrébins avec l'introduction de quelque chose dans l'anus. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, les émeutes qui ont suivi tout ça, et leur haine absolue, ce qu'il faut voir sur Internet, toute personne... sur les réseaux sociaux, tout ça, qui se permet de dire que voilà, l'autre en fait a menti, que l'autre a commencé à faire interpeller, que c'est une racaille, mais ils sont haineux parce que il y a le côté humiliation, parce que eux, c'est ce qu'ils pratiquent habituellement sur leurs victimes, ils adorent humilier leurs victimes. Et là, le fait que ce soit médiatisé et qu'un Africain se soit pris une matraque dans le cul au cours de l'interprétation. Prétendument. Oui, prétendument, l'enquête pour l'instant, voilà. Alors, ils sont mais haineux, parce qu'en fait, c'est les flics ont enculé la racaille, comme tu l'as dit, c'est la police nique la racaille à Aulnay-sous-Bois. Et c'est en fait, c'est ça, c'est cette démonstration, enfin, qui pour eux est une humiliation totale, c'est les flics qui ont foutu une matraque dans le cul d'un des leurs, c'est comme s'il avait foutu, enfin, que tous s'étaient pris un truc dans le cul. Donc il y a l'humiliation de l'introduction d'un truc dans l'anus, qui est, chez les Maghrébins en particulier, quand ils avaient arrêté Kadhafi, si vous voyez les images, vous voyez les images, il y a des mecs qui étaient sans arrêt, qui essaient de lui foutre un truc dans le cul sans arrêt. Eux, ça fait vraiment partie de l'humiliation de des gens qu'ils ont vaincus ou des gens qu'ils dominent. Et là, le fait que ça leur arrive et que ce soit médiatisé décuple leur haine de primitif. Voilà, donc ça, alors, c'est vraiment très important, le truc dans le cul. Attends, j'y tiens. Ça, c'est très bien observé. On en avait déjà parlé, c'est-à-dire que chez les Maghrébins ou chez les Arabes, le type qui sodomise, et la sodomie est très répandue, l'homosexualité est très répandue dans le monde musulman, hein, beaucoup plus répandue que dans le monde européen, beaucoup plus répandue, infiniment plus répandue. Celui qui pratique la sodomie sur l'homme n'est pas considéré comme un homosexuel. Bien au contraire. C'est comme ça qu'il est perçu. Celui qui sodomise activement n'est pas perçu comme un homosexuel. L'homosexuel, c'est celui qui se fait sodomiser. Il faut bien avoir le contexte ethno-culturel en tête, parce que, et c'est encore une fois ce que tous les branleurs de gauche ne comprendront jamais, que tous ces scribouillards, ces plumitifs de la presse bourgeoise ne comprendront jamais, c'est que nous avons affaire à des populations qui viennent de pays, de zones où il y a des usages, etc. C'est très bien que tu le rappelles, c'est très important. Et c'est vrai que pour eux, là, c'est vraiment la ligne rouge, parce qu'en fait, dans leur vocabulaire symbolique, en quelque sorte, c'est le mâle blanc qui soumettrait le bamboula ou le bougnoul. Et en fait, c'est le côté phallique du truc. En plus, c'est un flic, donc c'est le symbole de l'autorité. Et par la matraque, n'est-ce pas, symboliquement, pour eux, c'est l'humiliation absolue. Absolument. Ah, mais, ça s'est pas passé. Mais eux, ils l'ont perçu comme ça. Et c'est ce qui explique leur réaction en retour. Non, mais surtout que chez eux, ça fait... depuis qu'ils savent articuler trois mots en français, ces trois mots qu'ils connaissent, c'est « nique la police ». Donc là, effectivement, on s'attaque à ce qui fonde leur identité profonde. Alors, je vais citer maintenant le témoignage de la victime. Théo, comment c'est quoi son nom de famille à ce nègre-là? Appelons-le simplement le nègre. Ouais, le bambou là. Ouais. Son nom de famille, c'est Luhaka. Je crois que c'est issu d'une vieille famille auvergnate, je pense. C'est Luhaka. Donc vous le laissez tranquille, hein. Auvergnat, il y en aura le cul, hein. C'est vrai que ce serait beaucoup plus fondé d'attaquer la Bretagne, en fait. Mais bon. Alors, voici ce que nous dit le nègre, le gros négro. Alors, je me mets contre le mur, tranquillement. Et là, un des policiers vient et m'assène un coup, décrit le jeune homme. Ça, c'est cité par Le Figaro. Je l'ai vu avec sa matraque. Il me l'a enfoncé dans les fesses, volontairement. Je suis tombé sur le ventre. Donc, en fait, il reçoit d'abord le coup dans l'anus ou dans les fesses et il tombe ensuite. Je tombe sur le ventre. J'avais plus de force, ajoute-t-il. Il évoque ensuite les coups, les parties intimes matraquées, les crachats et les insultes. Négro, bamboula, salope. Je précise que je n'ai pas participé à l'interpellation. Pour ceux qui nous écoutent, je ne suis pas auteur de l'interpellation. Probablement un vocabulaire que j'aurais employé avec joie, mais bon, voilà. Alors ça, c'est la version du gazier. Alors évidemment, c'est d'après vous, est-ce que vous avez vu les images? J'invite ceux qui nous écoutent à regarder les images. Est-ce que vous pensez que quatre policiers, en plein jour, au milieu d'une cour d'Aulnay-sous-Bois, attraperaient un nègre, le sodomiserait en moins de 2 minutes en le traitant de nègre, de bamboula, en lui crachant dessus, etc. Est-ce que ça vous semble plausible, genre, bah, les types? Et puis ensuite, ils amènent, en plus, les mecs ne se défont même pas de leur victime, mais ils l'amènent au poste. Ils sont très malins, les mecs, parce qu'évidemment, le mec, il va surtout pas appeler un docteur pendant sa garde à vue. Bah non, ça va pas arriver, qu'il va pas constater de problème, tu vois. C'est incroyable, ce truc. Qui veut réagir là, sur cette version vieille, qui, pendant peut-être 48 heures, a occupé toutes les ondes françaises, hein, qui a été abondamment relayé. Hein. 48 et puis ça continue. Hein, Oui. Dans un épisode de Plus belle la vie, ça se passe à peu près comme ça. Hein. C'est des blancs qui agressent des afro-maghrébins. Non mais c'est incroyable. Je veux dire, réalisme avant tout. Quand même. Le réalisme avant tout, hein, effectivement. Alors, moi ce que je présume, ce qui s'est passé. Bon là c'est une supputation de ma part, je dis pas que c'est vrai. Mais je pense que ce qui s'est passé la chose suivante, enfin, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'en fait la police était en opération contre des dealers dans une bon, comme de la un truc de routine. Quand ils étaient en train de mener le truc, il y a ce sale nègre qui a pointé son nez, parce qu'il passait par là. Et c'est ce qu'a rapporté d'ailleurs un des flics, d'ailleurs. Il a dit, voilà, le mec, il nous a interpellé, il a dit, t'arrêtes, vous nous contrôlez tout le temps. T'as vu? Donc c'est ça que le négro a, en fait, ce qui s'est passé. Le nègre passe par là, il dit au flic, oh, il y en a marre, vous contrôlez tout le temps, vas-y, lâche-le, fous-lui la paix, tu vois. C'est comme ça que ça s'est passé. Et peut-être même était-il impliqué dans le trafic, on sait même pas. Les flics essayent de dire monsieur, tenez-vous à distance, un truc comme ça, en le poussant un peu, voilà, tiens-toi à distance ou tenez-vous à distance. Généralement, ils vous voient, tenez-vous à distance. Le type, vas-y, touche-moi pas, pour qui tu te prends, toi, vas-y, bouge, tu vois. Et le truc, les flics décident de l'interpeller, le mec se débat, c'est ce qu'on voit sur les images. Il n'y a pas de viol ou quoi que ce soit, les mecs essayent de maîtriser et il a fait son gros nègre. En gigotant dans tous les sens, parce que c'est évidemment le type doit avoir 75 de QI, voilà, et en gigotant, les mecs ont essayé de faire une clé, les policiers ont essayé de faire une clé pour le maîtriser, et puis l'autre, en prenant plus ou moins mal appui avec sa matraque télescopique, il a ouvert la jambe du mec, parce que c'est des matraques métalliques qu'on déploie, je crois, hein. C'est pas des tonfas, hein, c'est une matraque qu'on déploie comme ça, et qui est métallique, et qui est beaucoup plus contondante. Et donc je pense que c'est ce qui a expliqué la blessure. Et rien à voir avec tout le temps, mais négro, bamboula, salope, ça c'est absolument pas possible que les flics l'aient dit. Hein. Ça j'y crois pas 3 secondes. Hein. J'y crois pas 3 secondes. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, ensuite je passe aux émeutes. Quelqu'un, non? Oui, juste par rapport à la déclaration là, du nègre qui est rapportée, que tu m'as dit, par le Figaro, je crois, c'est ça? Ouais. C'est, donc il déclare que le policier lui a asséné un coup. Ouais, gratuitement, ouais, comme ça, salut. Je vois mal un nègre dans le nez sous bois employer le mot asséné, ni même connaître sa signification. Hein. Donc, c'est déjà assez. Ah oui, non, mais il faut voir la déposition, c'est-à-dire que c'est écrit dans un très bon français. Ah, bah oui. L'héritage. Ouais, putain, voilà. Merde. Heureusement que les nègres sont là pour élever le niveau de la langue française, n'est-ce pas? Alors, si tu es une libération, je présume que tu as plus ou moins l'impression que c'est des skinheads qui sont rentrés par effraction dans la police et qui sont devenus CRS, qui savatent des Aimé Césaire qui vaguent tranquillement leurs occupations. C'est ça. Alors, j'ai les déclarations qui ont été données suite à l'enquête de police. Alors, les déclarations contradictoires sur ce qu'a dit Théo, d'après les flics, et sur ce que Théo... J'ai du mal avec le Théo. Alors, non, j'arrête. Attends, j'ai du mal avec le Théo. On dit le nègre. Voilà, le nègre. Non, parce que Théo, ça va pas le faire. Hein. Bon, bref. Alors, je lis la coupure de presse. Hein. Alors, selon Théo s'interpose. Dixit les policiers. Alors, Théo aurait dit, tu fais pas ça, je m'en bats les couilles de ton contrôle, vous nous cassez les couilles, tu fais pas ça. Je vous épargne l'accent, donc ça fait assez vrai. En revanche, la version de Théo, il aurait dit, pourquoi vous faites ça? Ça va envenimer les choses pour rien. Ça vaut pas le coup. Étonnant qu'il n'ait pas... Putain, ça, c'est clairement lui qui parle. Ou coercition, tu vois, une tasse de thé à la main. Et c'est ce qu'il aurait dit, selon lui. Non, mais ah oui, il aura dit... Et là, le flic ne supportant pas l'injure qui est faite à Théo, qui s'exprime très calmement, répond en lui foutant un coup de poing dans la gueule. Ouais, ça paraît crédible, ouais, effectivement. Ouais. Chers représentants de l'ordre public, je comprends tout à fait votre volonté de me contrôler au niveau de mes papiers d'identité. Néanmoins, ceci pourrait envenimer les choses, donc pourriez-vous, s'il vous plaît... C'est incroyable. Ouais, surtout quand tu connais, mais tu t'imagines tout à fait la scène. Ils devaient être surexcités à leur gueuler dessus, à leur cracher dessus. Non, avec mais... la ouah, arrête, touchez pas. Enfin, avec un... tu vois, avec en plus avec un accent immonde, il devait même pas comprendre ce qu'il disait, il devait être surexcité. Les noirs en banlieue, là, quand ils sont autour de flics comme ça, tu les vois, ils sautent comme des singes. Il devait faire ça. Et le mec, il a dû s'approcher à vouloir faire le malin. C'est évidemment ce qui est arrivé. Mais il faut voir sa photo hein, à l'animal en question. Ouais, au bambou là. Voilà, tu as quand même les cheveux qui démarrent 4 cm au-dessus des sourcils. Quoi, c'est vrai. Donc, t'es généreux. T'as une boîte crânienne qui est réduite à son minimum fonctionnel. Vas-y, rappelle-nous le minimum fonctionnel chez le nègre, c'est quoi? C'est un petit peu plus. Ça doit être 60. Hein. Non, je veux dire fonctionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, violer. Le minimum et se répliquer. Voilà, c'est ça, bouffer et violer, quoi. Ouais, bouffer et violer. Ouais, il se réplique par hasard parce qu'il a violé. C'est la base de l'humanité, enfin, en tout cas la base du nègre. Oui, donc, c'est le nègre zéro, c'est le nègre sur lequel tous les autres nègres sont bâtis en fait. D'ailleurs, hein, j'ai cru remarquer que notre ami le nègre là portait une barbe, n'est-ce pas? Peut-être avait-il des sympathies Oui, peut-être ne prie-t-il Allah, n'est-ce pas? Je sais pas. Bon, c'est l'islam, frère. C'est l'islam. C'est l'islam, hein. Peut-être. peut-être qu'il n'est pas au courant que les Maghrébins venaient prendre des nègres en Afrique pour les castrer, puis qui. En tout cas, voilà. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Alors, sur ces entrefaites, Aulnay-sous-Bois, qui donc peuplait des mécésaires soucieux de leurs conditions et soucieux de la moralité publique, et encore plus soucieux du comportement des forces de l'ordre, se mobilise. Appelle à la manifestation, à la protestation, parce qu'il est quand même question d'un viol, et qu'on ne peut pas accepter quand même que le viol se banalise. Surtout à Aulnay-sous-Bois, ça serait quand même malvenu. Et là, il y a eu des émeutes donc très violentes, des violences urbaines, comme on appelle ça dans le langage policé de la propagande d'État. Donc en gros, des émeutes raciales pour casser du blanc et tout ce qui représente les Français. C'est toujours dans le Figaro. Le Figaro était très en pointe, le Figaro. Je ne sais pas pourquoi le Figaro, ils étaient très soucieux aussi des conditions des bamboulas à Aulnay-sous-Bois. Alors je cite parmi les manifestants qui ont été interpellés, c'est fabuleux. Hein. Donc contre le viol, hein, ils ont dit, même sur Twitter, regardez, hein, sur Twitter vous voyez les gens réagir, disent, oui mais c'est une accélération, le viol, hein, ça revenait constamment, il a été violé. Hein. Voici le profil d'un manifestant interpellé. Ciré M. 18 ans, a lui aussi plusieurs condamnations graves à son actif, dont une pour viol en réunion avec violence lorsqu'il avait 15 ans. Fausse commune. Le mec est donné sous voix, quand même. Je veux 18 dire... ans. À peine, 18 ans à peine. Et amusez-vous juste pour le fun, Aulnay-sous-Bois viol, dans Google, vous trouverez tout ce qu'il vous faudra. Non, alors oui, vous aurez un truc là sur les 72 dernières heures, où ils vont vous remettre l'histoire. Donc peut-être si vous êtes dans Google Actualité, enfin cherchez un petit peu plus, vous tapez 2014 ou 2016 ou 2015, tapez voilà Aulnay, viol, voire viol collectif, vous allez trouver des trucs pas piqués des hannetons, je vous l'assure. Donc je sais pas pourquoi Aulnay s'insurge contre le viol, mais tout le reste de l'année ça passe. Hein. Il y a pas de surtout si la victime est blanche. Je sais même pas si c'est considéré comme un viol. Non, mais ça arrive jamais ça. Les blanches se font jamais violer collectivement par des bandes de nègres. Oh, c'est juste un rééquilibrage des influences de pouvoir qu'ont les blancs sur les noirs. Ce sont des réparations. Voilà, c'est du manifestation sociale. C'est une réparation. Alors, l'IGPN, en fait, effectivement, est rentré dans le détail de l'affaire. Alors l'IGPN, on peut pas soupçonner l'IGPN de laver les flics comme ça à peu de frais, surtout que le chef de l'État français, François Hollande, ça me fait marrer ça de mettre les deux expressions côte à côte, enfin le nom de François Hollande avec le chef de l'État, ça fait bizarre quand même. Donc le chef de l'État François Hollande, l'IGPN n'aurait pas pris comme ça un risque de se confronter avec le ministère, le gouvernement, hein, c'était pas dans leur intérêt, et ils ont dit selon ce qui semble, c'est un accident. Évidemment, on en a parlé, on l'a dit. Alors, par contre, cette déclaration n'a pas du tout fait baisser la tension. Alors, évidemment, chez les nègres, on va y revenir, mais surtout dans les médias. Moi, j'ai remarqué ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, c'est, franchement, là, on peut s'arrêter. Le traitement médiatique du truc, c'est juste hallucinant. Et ça ne peut être que téléguidé. BFM TV et d'autres médias, mais ils partaient du principe que c'était acté, que c'était torché. Il y avait eu un viol en place publique par des flics. Voilà, point barre. Et ils ont balancé du pétrole et du pétrole et du pétrole sur le bûcher. Et ils n'ont même pas attendu 48 heures que voilà, il y ait des premiers éléments d'enquête, etc. Je vais citer, toutes les associations antiracistes se sont mêlées de la partie, Jakubowicz de la LICRA, le MRAP, SOS Raciste, ils ont tous dit « ouais, c'est une agression raciste », mais ils n'ont pas d'éléments, les mecs n'ont pas d'éléments, ils n'ont rien. Bah, 48 heures plus tard, l'IGPN débaroule, ils disent « bah désolé, sur la base de ce qu'on a pu collecter comme information, les témoignages, etc. » Non, la thèse du viol ne peut pas être accréditée. Et en fait, c'est pratiquement évacué, c'est on... Ah oui, peut-être qu'il y a des gens qui contestent, tu vois. C'est hallucinant, quand même, je veux dire. Ben, depuis qu'il y a les attentats, là, Mohamed Merah, Charlie Hebdo, Nice et compagnie, les forces de l'ordre ont quand même bonne publicité en France, quoi. Donc là, toutes les putains d'associations juives antiracistes et compagnie, ils ont vu le Coco truc comme pro-arabe, ça. Hein, Coco pro-arabe aussi, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ouais, non, mais bien sûr. Oui, enfin, anti-raciste, quoi. Hein, le MRAP, c'est pro-Bougnam mort. Hein, c'est... Tout à fait. Mais bon, là, tu as cité Jakubowicz. Hein, mais Jakubowicz, c'était ignoble. Voilà, ignoble, ouais, ignoble. Bah, c'est obscène, c'est même obscène. Hein. Mais donc là, ben voilà, ils reviennent dans le. Comment dire, dans le. Dans l'opposition classique à la police pour que les flics ne lèvent pas une oreille hein, sur les Arabes et les Noirs. Oui, parce que hein, c'est pour terroriser les policiers. L'opération en question a pour but de terroriser les policiers en premier lieu, après terroriser les Français aussi, mais surtout les forces de l'ordre. Quoi. C'est-à-dire que les mecs, quand ils font une interpellation, il faut qu'ils se chient dessus. Quoi. Alors moi, ce que je voulais, si quelqu'un voudra reprendre là-dessus, c'est sur le fait de, comment dirais-je, de vouloir faire voter les bougnoules. Parce que on a vu ça aux États-Unis avec les émeutes à Ferguson, à Baltimore, qui étaient alimentées clairement hein, par Soros et toute la clique, le Parti démocrate et tout. L'idée, c'était de dire, voilà, attendez, regardez, la police est ultra-violente, il y a des bavures et tout, les nègres font n'importe quoi, on les soutient, les médias soutiennent, ça s'est passé comme ça aux États-Unis. Ne vous trompez pas de vote. Votez, parce que si c'est les républicains. Oui, c'est la menace, quoi. Votez, sinon on va vous lâcher la horde de nègres Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est le message envoyé aux nègres et aux bougnoules de banlieue de la part de la gauche et du gouvernement français, et c'est ça qui explique le déplacement de Hollande et le truc des médias, c'est de dire attendez, les gars, faut pas vous tromper. Si vous n'allez pas voter, vous risquez de vous retrouver avec une police fasciste qui va... vous foutre des matates dans le cul. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, votez et votez bien. Moi, je pense que c'est ça le message subliminal de cette opération. Parce que sinon, ça n'explique pas le truc. Enfin, qu'il y a un truc, et pendant 24 heures, il y a une approximation et tout. Mais après, quand il y a toutes les données qui sortent, on voit bien que c'est bidon. Mais surtout Hollande, je veux dire. Pourquoi il débaroule? Pourquoi il arrive dans le scénario? Ça colle pas, quoi. Je veux dire, c'est un chef de l'État, il lui reste 2 mois à tirer, il y a plein de problèmes. Pourquoi il débaroule dans le truc, dans le paysage? Il arrive, il prend la pause, etc. C'est évident que les mecs veulent faire voter les banlieues comme il faut, en disant, attendez les gars, faut pas se tromper, attention. C'est un petit peu, dans une moindre mesure, ce qu'avait fait Buisson avec Sarkozy, lorsque Sarkozy était ministre de l'Intérieur, à l'époque du CPE, je sais pas si vous vous rappelez. Et Buisson avait conseillé à Sarkozy de laisser les Arabes foutre le bordel hein, lors des manifestations des étudiants là, du CPE. Donc voilà, c'était un petit peu le signal quoi. En gros, les Arabes avec Sarkozy, ils pouvaient faire. C'était open bar quoi. Bon, l'idée étant de marquer l'opinion et de faire comprendre aux Français que les bougnoules étaient une menace. Hein, c'était ça. Oui, aussi, mais bon... C'était cynique, hein, mais c'était l'idée, c'est ça. Il y avait ça parce que, d'un côté. Parce que dans la foulée, dans la foulée, et c'était assez. C'était cynique, mais c'était bien étudié. Après, il y a eu un certain nombre de personnes qui sont allées dans les médias, dont Kouchner, oui. Qui était sous Sarkozy, qui sont arrivés et qui ont dit ah, mais c'est du racisme anti-blanc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça remonte, hein, il y a un certain nombre d'années. Mais les mecs, c'est la première fois que le terme racisme anti-blanc avait percé dans les grands médias. C'était Buisson qui conseillait Sarkozy, qui a dit vas-y, laisse les bougnoules faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire tabasser les blancs pour leur faire les poches, les bolosser, quoi. C'est à ce moment d'ailleurs que le mot bolos et bolossage est passé dans l'expression publique. Avant, c'était très peu connu, c'était limité dans les quartiers ou dans le vocabulaire des crouilles de banlieue et des nègres de banlieue. C'était une opération de communication. Moi, je pense, en fait, que bon, le truc à l'origine est un truc accidentel, mais qui a été récupéré immédiatement par les cellules de l'Élysée pour la guerre médiatique et la guerre politique dans la perspective électorale, en disant voilà, en voyant clairement un message au Bamboula. Et au bougnoul, les gars, votez bien aux prochaines élections, votez à gauche, en gros, parce que si jamais c'est la droite ou l'extrême droite, vous savez ce qui va vous arriver, ça va être fois 1000. En gros, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, notamment. Quoi. Le travail de récupération et le fait d'insister, c'est ce que je perçois. Si quelqu'un veut revenir là-dessus, sinon... Sauver votre trou du cul en votant à gauche, en gros. Ouais, je pense, ouais. Honnêtement, je pense, parce que l'hystérisation qu'il y a eu derrière... Parce que c'est facile, quoi. Ouais, mais si... C'est facile. Non, mais si ça avait été Hollande qui se représentait, pourquoi pas? Mais est-ce que, entre Hollande et Hamon, est-ce qu'ils ont un lien quelconque? Je ne suis pas forcément convaincu. C'est pas le PS, c'est la gauche. Ouais, Hollande soutient Macron. Bref. Il n'y a pas besoin de dire il faut bien voter. Quand Hollande va au chevet du nègre, les gens tirent les conclusions. Enfin, les gens de ces milieux-là tirent les conclusions. Il voit bien où penche la balance. C'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une semaine, il y a eu un attentat au Louvre. On en a parlé un petit peu. On est dans un climat de terrorisme, etc. Il y a eu des boucheries commises par des musulmans. Il y a 6 mois à Nice, il y a eu une boucherie commise par des musulmans. Et là, on a et tout ça a disparu. Qui est sacrifié. Voilà, et tout ça disparaît, et on est là parce que le nègre, ouais. En fait, parce qu'un nègre qui a été interpellé, qui a refusé de se laisser interpeller dans le calme, devient une espèce de martyr de... Non, c'est une création médiatique à 100%, c'est évident. D'ailleurs, revenir sur la notion de martyr du fameux Théo, c'est incroyable sur les réseaux sociaux, quand tu oses t'attaquer ou remettre en doute la version ou expliquer que de toute façon c'est qu'une racaille qui s'est fait interpeller, qui s'est débattue comme d'habitude, c'est incroyable l'hystérie. C'est-à-dire, t'as l'impression de t'attaquer à leur Horst Wessel, ils l'ont trouvé quoi, leur Clément Méric. Dis pas de mal de Horst Wessel, s'il te plaît. Non, mais je veux dire le symbole quoi, c'est juste. Une racaille qui, dans une échauffourée, s'est pris un coup de matraque dans l'anus. Et là, ils en font, mais si tu oses l'attaquer, mais tu te prends à une icône, quoi. Tu veux dire, tu attaquerais Mahomet, les Afro-Maghrébins seraient pas plus agressifs avec toi sur les réseaux sociaux, quoi. Là, c'est vraiment devenu l'icône intouchable, le fameux Théo. Alors, le truc qui est très frappant, et je le sais d'expérience, parce que plein de raisons, j'ai dû le constater, c'est à quel point les Afro-Maghrébins focalisent sur deux éléments quand ils parlent de leurs adversaires, de leurs ennemis, ce qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Hein. Il n'y a jamais d'articulation politique construite. Hein. De la haine vomie instantanément. Oui, mais ça se focalise sur deux choses. Le physique, systématique, ça. Ouais, tête de porc consanguin. Ouais, tête de porc, t'es moche, t'es affreux, t'es laid. Bon, ça, c'est systématique. Deuxièmement, la sexualité et justement, notamment la sodomie, ou alors les relations avec la mère. Très frappant, ça. Le truc « nique ta mère », c'est un truc qui vient de ces populations-là. Hein. Et ces gens te disent « je vais te niquer ta mère ». C'est-à-dire, qui aime bien, châtie bien, comme on dit. Non, hein, mais il y a quelque chose. Ils doivent bien connaître cette problématique, donc bon, voilà. Voilà, il y a un truc, ça revient constamment, c'est « tu es moche, je vais baiser ta mère », ou « tu es moche, je vais t'enculer ». Et nous, les Blancs, je dis pas qu'il n'y a aucun Blanc qui dit jamais ça, mais Nous, on dit, je sais pas, Mikista, viens pas me faire chier, ou ta gueule, ou je sais pas, enfin, si t'as envie d'être expéditif, quoi. Ou alors, si tu rentres dans la discussion. Moi, j'ai vraiment marqué, c'est systématique avec les afro-maghrébins. C'est systématique. Les types ne dépassent pas le niveau de la sexualité ou du physique. C'est impossible. Ils n'ont pas l'intelligence nécessaire, quoi. Et donc, on en est à ce niveau-là, quoi. Et là, on revient avec un petit peu le début de la discussion. C'est d'où la réaction enflammée de ces gens avec l'histoire bidon du départ, qui est le faux viol du macaque, quoi. Mais c'est clair, hein, c'est vraiment clair. Alors, j'enchaîne pour montrer à quel point le sujet est interdit. C'est Canclou, vous savez, cet humoriste et imitateur, a cru bon, je crois, sur Europe 1, hein, je crois qu'il officie sur Europe 1, hein, vous me corrigerez si je me trompe, hein, a cru bon faire un sketch sur l'affaire, et à un moment, il dit dans son sketch, il dit « ami gay », donc homosexuel, « inutile d'aller à Aulnay-sous-Bois, la police ne recommencera plus. » Voilà, fait un petit trait d'humour. Et alors là, gros malaise à Europe 1, la rédaction pratiquement sur le bord de la grève, exige des excuses, etc. Le type s'est fait incendier comme pas permis. Donc en fait, Canteloup, tu peux te foutre de la gueule de tout ce que tu veux, surtout des blancs si possible, alors par contre tu touches à Aulnay, ou tu fais une phrase sur les PD, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Le mec, hein, il a jamais pris ça dans la gueule, hein. Pourtant, il s'est mis dans des situations des fois un petit peu tendues. Là, il a pris des menaces même. Hein. Ça a tourné à la menace. Et en fait, le standard d'Europe 1 a été assailli de menaces, de bamboula, de nègres et de PD, hein, je pense. Ah oui, il a fait la totale. C'est on parle beaucoup des juifs et compagnie, mais les pédales, c'est une putain de coterie nocive et ultra revendicative. Ouais, c'est pour ça que les faire rentrer partout dans des partis politiques, par exemple, le Parti Socialiste. Je donne un exemple au hasard, c'est vraiment une idée. Des génies. Enfin. Donc, sur ces entrefaites, celle qui nous manquait tant s'est manifestée. Vous savez à qui je fais référence. Christiane Taubuana. Hein, donc, Taubira est sortie de sa jungle. Ah, la négresse en chef. Le chimpanzé qui fait tournoyer des marmites de caca. Oui. Laura Houtan de Guyane. Celle qui sait aussi... mais elle sait écrire le français. Bon. Elle fait des haïkus, elle. Des haïkus négrifiés, hein, parce que putain. Alors, là c'est ce qu'elle a écrit. On casse d'abord du bamboula, puis du bougnoul, puis du jeune, puis du travailleur, puis du tout venant. Eh, le nombre de retweets, t'as juste envie de pleurer. Alors, comptez les retweets, là vous avez à peu près le nombre de gens qui est bon pour l'expulsion, hein. Oh non, mais c'est bien pour faire des ordres de grandeur, pour prévoir des lignes de train, des camps... Les périmètres. Oui, Non, mais c'est incroyable, je veux dire. Alors, d'abord, ça permet d'établir une politique migratoire extérieure. Donc, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pareil, hein, elle n'a pas accès au dossier, elle ne sait pas de quoi il s'agit et tout. C'est torché. Les flics ont cassé du bamboula, ils casseront du bougnoul. Et du jeune, peut-être du jeune, qu'est-ce que ça veut dire ce truc, du jeune, puis du travailleur, tu sais, elle a beaucoup bossé dans sa vie, hein, Taubira. Oui, tu sens que c'est quelqu'un qui a, voilà. Puis des nègres, ils sont connus. Elle a cassé des rochers, elle a travaillé dans les mines et tout, elle sait de quoi elle parle, quoi. Puis les nègres sont connus pour turbiner, tu sais. Bien sûr. Et puis du tout venant. Donc en fait, on nous dit, on dit au petit blanc, là, si tu touches au nègre, peut-être que si tu laisses faire, ça se retournera contre toi. Oh mon Dieu. Enfin bon. Alors, après Taubira, donc garde des Sceaux, je le dis, hein, garde des Sceaux, je rappelle quand même, elle a été ministre de la Justice. Victoire de la musique. Alors, il y avait ce cirque aussi, là, ambulant. Imani, vous connaissez Imani ou quoi? C'est une négresse qui chante, je crois, hein, je sais pas quoi. Alors, donc, pendant que tout le public français était devant sa télé, ayant payé sa redevance comme il se doit, n'est-ce pas? Enfin, ayant été assez con pour payer sa redevance pour voir de la merde, regardait donc les victoires de la musique, et ont eu le droit à un rappel à l'ordre politique, oui, Imani, faisant sa, comment dire, sa chanson à la con avec son... C'est qu'il n'y a que des Africains, hein, le truc. Il faut regarder. Hein, y a... Putain, de toute façon, on ne voit même pas les yeux, on voit que les narines. Donc c'est simple. Justice pour Théo et Adama. Alors, ils ont regreffé le Adama Traoré dans le business. C'est qu'il était un escroc d'une famille d'escrocs qui est mort dans des conditions, on ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs. Ah, ils auraient pu le mettre... Une famille qui terrorisait le quartier, d'ailleurs. Oui, ils auraient pu le mettre Ziad Ebouna aussi. Oh, bah, il devait être pas loin. Hein. Il devait être pas loin. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est vrai... Alors, et là, je à ceux qui nous écoutent, vous avez besoin d'un lexique nègre sous la main, chers amis. Parce que sinon, vous ne pouvez pas comprendre. Vous comprenez mal ce qu'ils veulent dire. Parce que quand vous écoutez les nègres débarrouler leurs conneries, là, les durs pères et machin, vous ne comprenez pas ce qu'ils racontent. Ils disent « justice, machin, truc ». Non, non, non. Vous avez besoin de traduire. Vous avez besoin de votre petit dictionnaire de franco-nègre. Donc vous ouvrez, et alors, à la page « justice », enfin, au mot « justice », vous allez traduire « représailles ». Ça veut dire « représailles ». Il n'y a pas de justice. Le concept de justice chez les nègres n'existe pas. C'est la représaille tribale. Peu importe les faits, on s'en fout des faits complètement, vous avez touché un nègre, il peut être coupable au dernier degré, il peut avoir assassiné père et mère, on s'en fout, vous avez touché un nègre, vous n'avez pas à le toucher parce que vous êtes des blancs, ici c'est nous les patrons, représailles, voilà. Ouais, il faut massacrer du blanc, quoi, voilà, foutre des pneus autour d'eux, les asperger d'essence et les faire cramer. Et ça, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent bien que ce qui se passe là, en modèle réduit, c'est ce qui les attend dans une France majoritairement africaine et musulmane. Hein. Faut bien qu'ils le comprennent. Hein. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire de justice, et il y a un procès, et puis on condamne les policiers, et puis ils font une peine de prison. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Avec ces gens-là, et on le voit d'ailleurs avec l'esclavage, et toutes ces conneries-là, ça ne s'arrête jamais. Même si vous n'êtes coupable de rien, vous n'avez aucune responsabilité. Vous êtes responsable parce que, pour eux, qui sont des... Enfin, le principe de personne et d'individualité n'existe pas chez ces masses-là. Elles fonctionnent sur le mode grégaire. Il n'y a que des masses avec une mémoire collective qui se transmet de génération en génération, et ils ne comprennent que la brutalité et la vengeance. Ils ne comprennent pas le principe de responsabilité individuelle. Donc, vous n'êtes pas responsable de vos actes. Donc, eux, ils disent, voilà, il y a un blanc quelque part qui aurait peut-être fait un truc, mais ce n'est pas avéré, contre un nègre, ok, il faut cartonner du blanc indistinctement. Ça, c'est le concept de justice chez les bamboulas et chez les musulmans et chez les bougnoules. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pareil pour les afro-américains. Dès qu'il y a une manif d'afro-américains, c'est la chasse aux blancs tout autour. Voilà. Donc et ces gens-là, tu vois, et c'est là que tu vois tout ce putain de folklore. Ils arrivent, ils sont là en train de chialer, ils font des manifs, voilà, justice. Et ils se posent en victime. Il y a une espèce de plaisir à se poser en victime. Ces gens sont des esclaves, mais au sens des esclaves mentaux. Ils se complaisent dans leur position d'individu soumis et comment dirais-je, et géniard, quoi. Et c'est incroyable, mais c'est vrai. Et ceux qui nous écoutent doivent vraiment l'avoir à l'esprit. N'écoutez jamais un traître mot de ce que dit un nègre ou un bougnoule, c'est toujours pour vous la foutre dans le cul. C'est toujours... C'est pas la personne qui parle, c'est la race qui parle. C'est pas la personne, c'est pas l'individu, machin truc. Ils sont tous comme ça. Ils vous la foutront dans le cul parce qu'ils sont programmés pour être comme ça génétiquement. Et là, on les voit tous en train de s'hystériser, de lancer des émeutes, etc. Ils cassent à l'aveugle, personne ne revient là-dessus. On voit des violeurs sortir du bois, comme j'ai dit, semer le chaos, la dévastation, ils se font interpeller. Personne, même la presse, évidemment, la presse rapporte un peu les faits textuellement, mais n'en fait pas ses gros titres en disant « Attendez, c'est bizarre, on a des violeurs condamnés qui manifestent contre un viol. » Mais oui, c'est parce que l'élément central n'est pas le viol. L'élément central, c'est la race. C'est le principal moteur de la confrontation à Aulnay-sous-Bois, tu vois. Et personne n'en parle. Absolument incroyable, mais c'est vrai. Alors, changeons un peu de sujet. Et on a pu voir à Paris, à Rennes et à Nantes, ne m'en voulez pas, je n'en suis pas responsable, l'extrême-gauche se solidariser de nos amis les nègres et essayer de semer le chaos. Alors là, Argel, qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Sur cette extrême-gauche qui ne loupe jamais une occasion de se solidariser avec, comme avec Ziad Ebouna d'ailleurs. Donc les deux macaques qui sont rentrés dans un transformateur électrique avec, vous savez... des panneaux qui disent toujours, c'est toujours écrit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'État fasciste français a toujours pris soin d'écrire sur les transformateurs Bougnoul Bico, rentrez dans ce transformateur, il ne vous arrivera rien. Vous savez, ça... Mais tout est inversé, donc voilà, Ziad et Bouna victime. De la même façon, le nègre maintenant est une victime. Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus, sur cette extrême gauche qui se solidarise systématiquement de ces gens-là? Bah, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, ces lesbiennes qui brandissaient, je sais plus quoi, enfin des trucs, et qui en hurlant à la Wagbar à Berlin, bah là, de la même façon, l'extrême gauche, par haine absolue du blanc et de la civilisation européenne, la civilisation occidentale, va s'allier avec les Afro-Maghrébins pour une destruction finale de tout ce que nous représentons, de tout ce que représente notre civilisation. Puis également, ils ont besoin de troupes, enfin besoin de troupes, sauf que dans les manifs d'extrême gauche, on n'en voit jamais. Mais ils se sentent obligés d'aller. C'est aussi une sorte de soumission anticipée. Parce qu'eux, ils anticipent une société complètement dominée par les Afro-Maghrébins, et donc ils sont prêts à, contre tous leurs principes pseudo-libertaires, prêts à se soumettre totalement aux envahisseurs. Déjà, c'est dans leur ethno-masochisme profond, et c'est également une anticipation en espérant, peut-être pour certains, se protéger en essayant d'être le plus proche des envahisseurs qu'ils estiment comme déjà vainqueurs. Je suis pas étonné, ça a toujours été le cas, et elle est très très loin, cette extrême gauche. C'est Georges Marchais qui avait quelquefois des saillies ouvertement racistes vis-à-vis des Afro-Maghrébins. Voilà, c'est terminé. Là, on est dans la phase de sociopathes complètement dégénérés qui sont prêts à s'allier avec toute la pouillerie mondiale afro-maghrébine pour détruire enfin ce qu'ils haïssent le plus, c'est-à-dire l'homme blanc et la civilisation occidentale. On fera observer aussi que cette solidarité de cette extrême gauche, hein, de nos amis de anarcho-communistes et antifa, qu'ils témoignent à l'égard donc des quartiers, n'est pas payé de retour. Hein. On peut pas dire que quand Rémi Fraisse est mort, les quartiers de banlieue se soient enflammés en solidarité de leurs camarades morts. Ah, mais ils sont totalement méprisés. Un afro-maghrébin méprise totalement les antifas, ces espèces. Ils comprennent même pas. Ils ont même du mal à comprendre. Eux, ils vont haïr un nationaliste français, mais ils vont avoir un tout petit peu plus de respect pour lui en disant il a une réaction normale. Voilà, on cherche à le buter, on cherche à l'envahir, le mec a une réaction d'hostilité normale. Mais par contre, c'est encore pire. Le mec, la sous-carpette de gauchiste, d'extrême gauche, il le méprise à un point parce qu'il ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire, quoi. Ouais, mais c'est frappant. Alors, les antifas, vous faites chier et tout en solidarité des nègres, mais bon, les nègres... vous chiez à la gueule, hein, parce que en dernière analyse, vous restez des salopes de blanches. Hein. Faut pas l'oublier, quoi. C'est pas parce que vous rampez devant ces gens-là que vous êtes plus désirable à leurs yeux. Hein. D'ailleurs, ni des nôtres. faut bien le dire. Alors, Fulbert. Je voulais faire remarquer qu'il fut un temps au XXe siècle, jusque maintenant. Où l'extrême gauche, quel que soit le pays, mais surtout en Europe, avait tendance à recruter pour ses basses œuvres, recrutait fortement dans le prolétariat. Mais maintenant, l'extrême gauche et la gauche a perdu le prolétariat. Donc elle se retrouve maintenant obligée d'engager une infanterie coloniale. Et à double titre, sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, donc d'engager une infanterie coloniale, comme tu l'as bien fait remarquer, qu'ils ne contrôlent pas, cette infanterie coloniale ne les reconnaît pas. Et donc, moi, je pense que les antifas et l'extrême gauche, ils ont un avenir très limité. Parce que dès qu'il va y avoir un accrochage un peu plus étendu que ce qu'on voit maintenant, et où des gens vont commencer à se défendre, bien, je ne donne pas beaucoup de chances de survie à toute cette extrême gauche. Ouais, ils sont vraiment en perte de vitesse. De toute façon, ils n'ont jamais eu les ouvriers pour eux. Parce que contrairement à toute leur mythologie mythomane, je veux dire, jamais ces pouilleux de Trotskar et les Mao et autres anarchistes, ils n'ont jamais eu les ouvriers avec eux. Ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils en sont réduits à ces extrémités. De toute façon, il suffit de regarder leur gueule percée de partout, tatouée, de voir dans quelle marge ils évoluent. Je veux dire, l'ouvrier ne connaît pas ces gens-là et n'a aucun rapport ni de près ni de loin avec eux. Et donc, ils essayent de se solidariser naturellement. Enfin, ce sont des chiens, hein. C'est au flair, quoi. Ils savent, ils sentent la merde, ils savent vers où aller, quoi. Et ces types, ils sentent qu'il faut aller vers la merde immigrée, quoi. Ils savent bien que c'est par là que ça se passe. Parce qu'entre sociopathes et marginaux, on se comprend. Donc, ils vont vers le lumpen prolétariat, le sous-prolétariat racial et social qui existe en France. Et qui s'accumulent, qui s'agglutinent dans les grandes métropoles françaises, et ils essayent comme ils peuvent, tous ces fils de bourgeois, parce que la plupart de ces antifas de merde sont des fils de bourges, essayent de d'exploiter le truc, mais ils n'y arriveront jamais, parce que ça reste les ratés de la bourgeoisie blanche française, et ça ira jamais plus loin que ça, quoi. C'est tout, hein, je veux dire, les antifas, ça s'arrête à ça, hein. C'est juste des branleurs qui se prennent pour des héros, mais qui ça va nulle part, quoi. Et ils sont méprisés non seulement par nous, mais effectivement par les halogènes qui leur crachent cordialement à la gueule. Et là-dessus, je les rejoins. Hein. J'encourage d'ailleurs les halogènes et autres musulmans à leur cracher à la face. Puis bon, les antifas, ouais, aussi, disons-le, parce que bon, autant énoncer aussi des vérités. Les rares fois où ils se retrouvent face à des fachos, quelquefois même quand ils sont largement en surnombre, ils s'en prennent souvent plein la gueule, quoi. Je veux dire, un antifa, c'est d'une lâcheté absolue, et ça n'attaque que quand c'est vraiment totalement surnombre, et même dans ces cas-là, quelquefois, ils en prennent quand même plein la gueule. Il y a beaucoup, d'exemples qui n'en finissent pas, mais voilà, les rares fois où on peut en approcher, les rares fois, parce que là, ils disent tout au long de l'année qu'ils cassent du facho, qu'ils veulent... Voilà, quand ils se retrouvent devant, même avec une force sur trois fois plus nombreux, ils en prennent plein la gueule. C'est vraiment des sous-hommes, c'est des sous-blancs, c'est des pauvres mecs, donc ils ont une haine absolue de ce que peuvent représenter aussi les fachos virils. Donc il faut bien dire que c'est des mecs qui systématiquement s'en prennent plein la gueule, sauf en cas d'agression totalement lâche à 20 contre 1. Ouais, c'est vrai. Alors, avant de conclure sur ce sujet, c'est un truc que j'ai trouvé dans la grande presse, c'était Le Parisien qui parlait de ça. Et ça rejoint ce que tu disais, hein, sur les réseaux sociaux. Hein. C'est un policier, en fait, qui a été faussement identifié comme étant un des auteurs du faux viol sur Twitter. Alors, je lis l'article du Parisien. Taper son nom dans la barre de recherche Twitter donne le vertige. Un certain Marc-Antoine C. est au centre d'un violent lynchage sur les réseaux sociaux vendredi, alors que des internautes sont persuadés d'avoir mis au jour l'identité du violeur présumé de Théo. Selon nos informations, cet homme n'a pourtant rien à voir avec l'interpellation du jeune homme d'Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, le jeudi 2 février. Policier dans l'Ain, il a déposé plainte, paniqué face au déferlement de haine dont il est la victime, sans aucune raison. Que justice soit faite! On va violer ta fille. C'est lui l'enculé. Des appels à la vengeance, au meurtre et au viol se multipliant, Marc-Antoine C. a disparu de tous les réseaux sociaux sur lesquels il était présent, fermant ses comptes le plus rapidement possible. Il vit un cauchemar depuis 24 heures, selon une source policière. Vendredi, son nom constituait le groupe de mots le plus tapé sur Twitter, renvoyant à plus de 12 500 occurrences vers 17 heures. Traque et menace de meurtre et de viol sur sa famille, étant donc au centre des messages qui lui étaient envoyés. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, avant qu'on change de sujet? Bah, moi, j'aimerais bien me mettre dans la situation inverse. Imaginons que quatre Africains auraient chopé un blanc et au cours de... Voilà, donc en fait, on a l'inverse de l'histoire de Théo. Et que des Français, par solidarité avec le blanc qui aurait été soi-disant violé, se seraient mis à trouver un des Africains qui aurait fait ça et aurait participé à ce même lynchage sur les réseaux sociaux en disant que voilà, on va tuer sa famille, ses enfants, les violer, ce genre de choses. Imaginons la réaction indignée de nos élites, des médias, en disant c'est pas possible, voilà, des appels au meurtre, les heures les plus sombres de notre histoire, enfin, on aurait droit à tout. Tandis que là, bon, c'est un dégât collatéral, il s'agit d'un flic, bon, il s'est quand même passé quelque chose de très grave, donc on va sûrement pas médiatiser le truc et puis avoir un peu de compassion pour ce pauvre flic qui est même pas, il est même pas flic à une sous-bois ou quoi que ce soit. Voilà, ça aurait été intéressant de voir la réaction de nos médias très mesurés, très nuancés là, concernant ce fonctionnaire de police, si c'était agi de centaines, voire de milliers de blancs qui auraient appelé au lynchage d'un Africain. Moi, ce que je veux souligner, c'est à quel point, là, s'il y a des gens des forces de l'ordre qui nous écoutent, ou s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont un ami ou un proche dans les forces de police, de sécurité, de gendarmerie et autres, je les invite vraiment à leur faire comprendre un truc, s'ils ne l'ont pas déjà compris, je pense que la plupart l'ont compris, mais on ne sait jamais, c'est à quel point, en fait, le pouvoir politique français met en danger ces forces de l'ordre, c'est-à-dire que, de par leur positionnement, de par leur rhétorique, les messages qu'ils envoient, le parti pris qu'ils ont, de toute façon, ils invitent la masse des afro-musulmans à passer à l'action contre les forces de l'ordre. C'est évident, c'est une incitation inédite à passer à l'action, je veux dire, c'est évident. Les messages de haine qu'on a vus sont une traduction de ce truc. On sait très bien que s'il y a 12 000 messages qui sont envoyés à propos du gars qui est un policier, le policier peut porter plainte, ça n'aura pas de suite. Pratiquement pas de suite. Il y aura peut-être un ou deux gugus qui seront identifiés, mais c'est tout. La justice ne suivra pas. Après, la justice est d'extrême gauche, on le sait, ou de gauche de toute façon, ou de toute façon gouvernée par des magistrats débiles sans suite dans les idées. Donc les policiers aujourd'hui en France sont des cibles et ne sont soutenus par personne. Enfin, je veux dire, personne au plan étatique. Et parce que souvent, des gens nous ont fait l'opération, mais vous soutenez les policiers, etc. Les policiers nous foutent sur la gueule, nous les nationalistes et tout, machin. Parce que on voit ça revenir régulièrement. Il ne s'agit pas d'être aveugle. Les policiers obéissent aux ordres, obéissent aux préfets, etc. Et donc, ils mènent des opérations contre les nationalistes, effectivement. Et il y a des policiers authentiquement de gauche, c'est clair, c'est évident, de conviction, c'est tout à fait clair. Mais il ne faut pas être débile, je veux dire, nous, dans nos milieux, on est quand même pour l'ordre et l'autorité, pas l'autorité en tant que telle, mais pour l'autorité qui permet de faire prévaloir la justice, c'est évident. Et aujourd'hui, on assiste à l'inverse, c'est-à-dire que l'anarchie est au sommet de l'État, la crapulerie est au sommet de l'État, elle serre d'ailleurs la main à la vermine du bas, ce qui est parfaitement symbolisé d'ailleurs par la visite de François Hollande au nègre sur son lit d'hôpital, c'est-à-dire c'est vraiment l'alliance de la caste politique avec la vermine de banlieue contre toute notion d'ordre et contre toute structure devant faire prévaloir l'ordre. Et il ne faut pas se gourer de combat, je veux dire, on sait très bien qu'effectivement la direction politique de la police est politisée, on le sait, voilà, c'est comme ça, maçonnerie et autres, mais il ne faut pas se tromper de combat. Et aujourd'hui, ils sont exposés et ils sont livrés en pâture à la vermine. Et en plus, on est dans une phase de aggravée de terrorisme et de djihadisme. On le voit, on le sent au quotidien, partout. Les policiers manifestaient encore il y a quelques mois. Ils continuaient, il n'y a pas si longtemps, à faire valoir leur grief à l'endroit de leur direction pour plein de raisons. Ce mouvement a été étouffé aussi par les médias. Et moi, mon message aux policiers, si certains nous écoutent ou si certains peuvent les toucher, c'est de dire... Vous ne serez jamais soutenu par toute cette mafia. Et vous serez livré en pâture indéfiniment. Parce que ces gens sont des lâches. Les politiciens, ces encravatés sont des lâches. On a vu Estrosi, ce sinistre Estrosi, à Nice, cracher sur la police en disant qu'il fallait, sévir, punir les policiers qui se comportaient comme des crapules, etc. La droite républicaine sécuritaire. La droite républicaine, sécuritaire, soi-disant, voilà, Sarkozy, etc. Ces gens sont des chiens. Ils n'ont aucune conscience politique sérieuse et n'ont aucune loyauté. Jamais. Donc ça, il faut que les gens le comprennent, il faut que les policiers aussi le comprennent. Ils seront toujours lâchés par ces crevures. Non seulement ils seront toujours lâchés, mais c'est comme ça qu'ils ont été lâchés par la droite, depuis 30 ans, voire plus, par le terrorisme intellectuel qu'a fait SOS Racisme, le MRAP, la LICRA et compagnie, en terrorisant les forces de police, et leur soutien, donc en l'occurrence à l'époque c'était la droite. Donc voilà, on revient aux vieilles combines. Voilà, et ça il faut bien comprendre que nous qui sommes, nous ici par exemple, peu importe ce que disent les l'extrême gauche, les médias de gauche et autres, le système ou le gouvernement à notre sujet, ou toute leur ligue de vertu et autres associations subversives, nous on est pour la répression, et uniquement la répression. C'est rien que la répression. Nous, il y a pas de, on est d'accord hein, ici, il y a pas de baratin social. Nous, c'est la réaction pure et dure. Et donc, la répression, c'est aussi le social. Hein. Voilà, tu prends un énorme coup de matraque, pas dans le cul, mais sur la gueule, si tu fais une connerie, et ben la connerie, tu la fais plus. Ça s'appelle aussi faire du social. C'est, ouais. Pour moi, la répression, c'est ce qu'il y a de plus social. C'est un élément en plus que tout le monde peut comprendre. Tu vois, il y aura pas de discrimination. C'est-à-dire que du Gabonais qui a 50 de QI jusqu'au petit étudiant de Sciences Po, bah, il saura que si on brûle le drapeau français en France, on se prend un an et demi de tôle et on se fait péter la gueule dans les manifestations par les CRS. Et ben d'un coup, tu vois, ils vont comprendre. Et ça, c'est aussi faire du social, à mon sens. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il y avait aussi un point que je voulais noter, c'est à quel point maintenant les réseaux sociaux permettent à la racaille, à la vermine, de cibler des flics. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent connaître les adresses d'un flic ou d'un gendarme. Ils peuvent trouver sa famille. Et on a eu, à l'été dernier, mais c'est pas si vieux, personne n'en parle plus, les médias n'en parlent plus, ces salopards. Il y a un couple de policiers qui a été exécuté par une salope de musulmans à leur domicile devant leur gosse de 3 ans. Et on a des gens qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux à appeler à violer la famille d'un policier, à exécuter sa femme, à l'assassiner lui-même, alors que le mec n'a rien à voir. Aurait-il quelque chose à voir avec l'affaire ? Ça ne change rien, je veux dire. Mais maintenant, il y a une telle facilité qu'ils sont exposés. Et dans leur privé, quoi. Qui les soutient face à ça ? Réellement. Personne dans cette classe. Si, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens des forces de l'ordre qui nous écoutent, bon, en général, c'est les plus lucides. Moi, ce que je rencontre beaucoup au niveau des policiers ou des gendarmes, ils font quasiment tous le bon constat. Bon, à moins de tomber sur de la hiérarchie gauchiste, franc-maçonne, bon, ça, il y a. Mais la plupart font le bon constat par rapport à l'invasion, par rapport à qui pose des problèmes, par rapport également, même politiquement, qui les lâche par rapport aux juges, tout ça, ils font le bon constat. Sauf qu'ils n'ont pas, comme les Français en général, n'ont pas compris que le changement sera politique. C'est-à-dire que c'est pas en attendant que ça se passe, c'est pas en se disant « bon, il y en aura peut-être un qui sera meilleur que l'autre » ou en ayant des discours en disant « je me fous de la politique » qu'il y a quelque chose qui changera pour eux. Eux, ils seront en première ligne de l'invasion, comme ils le sont aujourd'hui, et ce sera de pire en pire. Donc il faut bien qu'ils comprennent que le changement, il sera politique. Le changement, il sera politique, et que c'est en soutenant des gens qui leur donnera les ordres nécessaires pour mettre au pas la racaille, pour réémigrer la racaille, c'est uniquement dans ce cas-là que leur situation pourra s'améliorer, et leur propre situation, et la situation de leur femme, et la situation de leur gosse, et la situation de leurs proches. Donc c'est clairement en donnant les moyens, en soutenant, pas forcément publiquement, mais au moins politiquement, au moins électoralement, ceux qui proposent un retour à l'ordre public, ceux qui proposent de redonner aux policiers tous les moyens, en particulier les ordres et les consignes, pour mettre au pas la racaille dans les banlieues, dans les zones de non-droit. Voilà, c'est clairement les nationalistes qui seront au pouvoir. D'ailleurs, je crois que c'est Henri de Lesquin qui l'a dit aujourd'hui ou hier. Voilà, le courage d'un homme d'État, c'est d'autoriser la police à tirer sur les émeutiers. Et c'est clairement ce qu'il faudra faire. Pour empêcher les émeutes, il faudra ordonner à la police de leur tirer dessus. Et ce sera beaucoup plus facile pour eux, d'un point de vue de leur conscience, de tirer sur des afro-maghrébins islamistes haineux que de tirer sur des patriotes blancs, parce qu'un jour aussi, on risque de leur demander de tirer sur les patriotes blancs qui veulent sauver leur pays. Donc c'est à eux aussi de réfléchir à ça. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit. Bon, bah, sur ces bonnes paroles de notre camarade, on se dit à la semaine prochaine, alors, chers amis. Ouais, à la bientôt. Semaine prochaine. Laissez pas des nègres vous mordre le cul sous le lit, on ne sait jamais. Ouais. Ha ha ha!